companheiro da nossa alma, com dizer se tem. Diz que era nosso misata, pisosa, novo lobby, e por isso teu ar. Toi qui pour nous pousse à l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, la liberté d'un peuple acheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Fils ressuscité. Mais au Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sur le mort à chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, nous vivons en guerre, le livre dit le peuple. Embrassant tout nos cœurs, nous devenons par toi sainte victime sur la mort même. Un peuple de vainqueurs jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple acheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante. Notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Debout, cet corate, soldat. La trompette résonne, de vous vaillants soldats, immortelle couronne, est le cri des combats. Si l'ennemi, si l'ennemi fait rage, soyez fermés et forts. Ta genoux debout, debout, debout, debout encore. chose appelée l'amour. Le fruit appelle la croix. Quel ami fidèle et tendre, quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, nous avons Jésus toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, nos chutes de chaque sévérance et exigence. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle, quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus toujours prêt à nous comprendre. Nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvre-lui tout notre cœur. Nous avons en Jésus toujours prêt à nous apprendre, avec un comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus, bientôt il viendra nous prendre. Dieu tout puissant. Quand mon cœur considère l'univers. ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts la source avec son onde vibre aux zéphyrs, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand monde. Alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Car mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je le dirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Je le dirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Amen. Amen. Bonsoir Abidjan. Bonsoir. Bonsoir Abidjan. Bonsoir. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir mon pays. Bonsoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis à votre service. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous en pose. Vous avez, peur quand il pose des questions, non? Bon, moi j'ai une question. Oui. Je veux savoir, selon la Bible, qu'est-ce qui est esprit, qu'est-ce qui n'est pas esprit? Je m'explique. C'est l'apôtre Paul qui dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Oui. Et par là, on comprend que la timidité est un esprit. Oui. Et il y a dans les dénominations, il y a plein de choses qu'on appelle esprit, esprit, oui, esprit. Oui, oui. Voilà. La pauvreté est un esprit, esprit. Finalement, qu'est-ce qui est esprit, qu'est-ce qui n'est pas esprit? Ça c'est une bonne question. Lisons donc, c'est le livre de Timothée encore, chapitre 1, verset. Je crois que dans un des études, nous avons vu ça. Ça non, dans 2 Timothée chapitre 1. Oui, tout à fait. Verset 7. Dans le verset 7 des 2 Timothée chapitre 1. C'est ça. Je lis. Oui. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà. La timidité, c'est l'action. La timidité, c'est la répercussion. La timidité, c'est l'impact qu'on voit sur le plan physique. Mais il y a un être derrière qui pousse à cela. Il y a par exemple le blocage. Il y a des gens par exemple qui ne se marient pas. Il y a des gens qui sont destinés à ne pas se marier. Il y a des gens qui sont destinés à ne pas se marier, comme dit la Bible. Des gens qui ne se marient pas à cause d'un esprit. Il y a, ce qu'on voit sur le plan physique, c'est le blocage concernant le mariage. Mais il y a un esprit derrière ce blocage. Il y a un esprit qui a pour cause ce blocage-là. Par exemple, quand on se promène dans votre ville à Abidjan, j'ai remarqué une chose. J'ai remarqué dans des carrefours des hôtels, pas les hôtels où on habite, dans des carrefours, des hôtels plantés. Vous voyez cela? Ça veut dire que des êtres spirituels font des incantations, là-bas font des réunions dans ces carrefours, et à partir de ces carrefours-là, c'est le point de rencontre et le point de départ où ils partent pour faire des choses. Vous voyez différents carrefours, différents types d'esprits qui s'y trouvent. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Tandis que par exemple, dans le carrefour où il y a beaucoup d'échangeurs, là, c'est pas comment vous appelez cela? Oui. Ce carrefour-là. L'échangeur de nouveaux ponts. De nouveaux ponts. Oui. C'est un style d'esprit qui est là-bas. Dans le carrefour qui est là-bas, lorsqu'on sort de l'aéroport, là, le grand carrefour là-bas. À quoi bas là-bas? Oui. L'esprit qui est là-bas sont les esprits des eaux qui sont là-bas. Oui. Ils font les réunions là-bas et ils se dispatchent. Vous voyez que chaque carrefour a un esprit. Quand ils font des réunions, c'est un peu comme par exemple les réunions de travail. Les chefs se réunissent par exemple dans le bureau, par exemple, et ils voient ce qui ne va pas, ce qui va, ce qui ne va pas, comment faire. Donc les résolutions qu'on prend dans les réunions physiques, en disant, ok, on voit que dans notre entreprise, telle chose n'a pas fonctionné, on voit les solutions qu'on peut apporter, comment faire pour fonctionner. C'est ainsi ici. Vous allez voir que chaque quartier et chaque domaine, dans chaque coin de la ville, il y a spécifiquement des styles de péché qui s'y commettent. Vous me suivez, n'est-ce pas? Chaque quartier a un style de péché qui s'y commet. Dans un quartier, vous allez voir seulement les enfants délinquants. Un autre style de quartier, vous allez voir que ce qui est accentué là-bas, ce sont les filles qui accouchent dans leur maison. Dans un autre quartier, ce sont les gens qui ont vraiment les diplômes, mais ils ne peuvent pas trouver de travail. Il y a des esprits attachés spécifiquement dans cette tâche-là. Or, ceci, vous ne verrez pas ça écrit dans cette Bible-ci. Vous voyez? Or, la Bible déclare par exemple que Satan est descendu avec le tiers des esprits. N'est-ce pas? S'il est désormais le tiers des esprits, combien de noms vous avez déjà vu dans cet esprit, dans la Bible ici? Vous avez dit combien de noms? Il est descendu avec le tiers. Et chaque domaine de la vie a un esprit qui coordonne. Puisqu'on admet que le domaine spirituel coordonne le physique. Vous voyez? Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, dans le livre d'Exode, chapitre 20. Notez également Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Prenons le chapitre 22 de Deutéronome d'Exode et lisons quelque chose là-bas. Regardez. Chapitre 22 d'Exode d'abord. Je vais vous montrer quelque chose déjà. On y va. Regardez le verset 18. Qu'est-ce que ça dit, le verset 18? Puis le verset 19. Verset 19 déjà. Donc 18. 19 et 20 des chapitres 22 d'Exode. Tu ne laisseras point la magicienne quiconque. C'est quelle version là? C'est le chapitre 22, non? Exode. Oui. Exode 22. Verset 18. Verset 18. Oui. C'est lui suivant. Oui. Tu ne laisseras point la vive la magicienne. Oui. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Oui. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux, car l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Derrière tout ce qui se passe ici dans ce verset, c'est surtout les démons. derrière tout ce qui se trouve ici, c'est tous les démons. La magicienne travaille avec les esprits démoniaques, avec les démons. Mais spécifiquement, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on ne voit pas les démons. Pourtant, à cet instant-ci, ils sont déjà descendus. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et si on dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Maintenant, c'est le Nouveau Testament qui vient mettre à lumière le fait que ce sont des esprits méchants qui sont derrière. Que tuant la personne, et c'est justement pour ça que les gens ne comprennent pas cela, que tuant la personne ne résout pas le problème. Parce que le Nouveau Testament dit de façon spécifique que car nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Donc ce n'est pas l'être, la femme qui incarne ou l'homme qui incarne cet esprit-là qui fait la divination, la magie, qui est le problème. C'est un esprit qui est derrière. Or, ici, dans cette dispensation-ci, il n'est pas commandé à l'homme de lutter contre les esprits. Ici, il n'est pas commandé à l'homme de lutter contre les esprits. Dieu devait de façon spécifique, de façon autonome, de façon souveraine, venir résoudre le problème. Vous voyez, dans le Nouveau Testament maintenant, comme ils ont été vaincus, la Bible déclare dans Colossiens chapitre 1, chapitre 2, qu'il les a dépouillés en triomphant d'elle par la croix. Il fallait d'abord le triomphe avant que l'exercice des dons manifestés pour l'homme pour pouvoir les détruire puisse venir. Mais avant cela, il n'y a pas de possibilité de les vaincre. Il n'y a pas de possibilité de les vaincre parce qu'ils règnent en maître souverain, parce que les ténèbres règnent. Maintenant, quand le Seigneur vient, donc quand il finit fait ça, il met donc en lumière les choses cachées et on peut commencer à comprendre que ce sont des esprits qui sont derrière. Il dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Là-bas, il fallait seulement tuer. Or, en détruisant, en mettant au feu, en les tuant, ça ne résolvait pas le problème parce que le même esprit sortait et allait dans l'autre personne. Deuxième verset du chapitre 19, quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Ce n'est pas normal déjà qu'un être humain ait un sentiment pour des bêtes. Donc, il y a des esprits derrière. Vous voyez, maintenant on peut attendre maintenant que l'esprit de couche de nuit. Vous ne verrez nulle part de couche de nuit dans la Bible. Pourtant, il y a des esprits derrière. Vous voyez, n'est-ce pas, hein? Vous voyez, il y a des maladies qu'on connaît aujourd'hui. Il y a le sida, vous appelez le cancer, ainsi de suite. Ça ne connaissait pas. D'où sont ces maladies? Dieu n'a pas créé quelque chose de nouveau. Pas vrai? Maintenant, alors c'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. On y va. Chapitre 28 de Deutéronome. Dans ce chapitre 28, le Seigneur va mettre à part entière la condition pour les bénédictions, la condition pour la malédiction. Et dans la condition pour les bénédictions, il commence par dire, si tu es obéi, il cite les choses qu'il va faire. Allons-y là-bas voir quelque chose. Regardez. Verset 15. On y va. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, oui. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Oui. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta hutte seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis, Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins, et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale, de teigne, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu n'habiteras pas, et tu ne l'habiteras pas. Amen. Verset 61. Verset 62. Rapidement. 61. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Donc, Dieu prévoit qu'il y a des maladies qui ne sont pas mentionnées ici. Amen. Donc, dans ces registres-là, vous pouvez mettre le sida. Le sida. N'importe quoi, les pestes que nous avons dans les nouvelles choses, c'est là, c'est contenu dans ces versets. Parce que s'il commence à mentionner les. S'il mentionnait à cet instant-là, il ne comprendrait même pas ce qu'il a mis. Il a mis les maladies qu'il connaissait à leur époque. Il dit également qu'il y a même des maladies qui ne sont pas mentionnées. Vous voyez? Oh, maintenant, qu'est-ce qui manifeste ces choses-là? La dépravation, la désobéissance. Et nous comprenons que c'est la désobéissance de l'homme qui amène toutes ces choses-ci. Oui. Donc le sida est amené par la désobéissance de l'homme. On peut trouver maintenant des trucs que c'est les laboratoires, les blancs ont fait ci, les blancs ont fait cela, ils font les recherches. C'est la désobéissance de l'homme. C'est la désobéissance qui amène toutes ces choses-ci. Or, derrière ces choses-là, on se trouve dans les esprits qui manifestent là. Pour qu'ils puissent se propager comme ça. Vous allez voir, par exemple, une femme va avec un homme, par erreur comme ça, ou mieux encore, une autre femme est couchée, est violée par un homme. Et puis subitement, il va faire un test un jour, son statut sérologique, on dit qu'elle a le sida. Elle décide dans la haine de revanche qu'il va distribuer ça aux hommes. Et puis je me fixe quand il couche avec un homme, je vais mettre le nom. Je vais coucher, note le nom. En faisant cela, elle est guidée par l'esprit, en propageant comme ça cet esprit-là dans les êtres humains. Pour que et quand une personne va aller aussi, dit ah, j'ai couché avec une fille un seul jour, j'ai eu le sida, je préfère aussi distribuer. C'est voilà comment ça se distribue. Vous voyez? Mais les esprits sont derrière. Parce qu'un être humain normal ne ferait pas ces choses-là. Donc, il y a des esprits qui coordonnent les activités, qui exploitent les mauvaises émotions des hommes pour pouvoir propager les choses, les vecteurs dans l'optique de faire propager les gens. Mais le vrai problème, c'est ceci. Comment il veut dire quelque chose là maintenant? Comme vous avez les laboratoires, les différents types de pharmacie avec les noms ici, là, comme ça, ainsi en est-il là-bas, en haut, là-bas. Il y a des laboratoires spécialistes pour créer des maladies tropicaux, des maladies tropicales. Il y a des spécialistes des maladies là-bas, des différents vecteurs, ce qu'ils vont faire pour engendrer ça sur la terre, pour que ça vienne sur la terre pour se manifester. Il y a des laboratoires de recherche en haut, là-bas. Lorsqu'ils finissent de faire cela, sur la terre, ils créent donc des entreprises, des grandes choses, mais des grandes fermes pour pouvoir faire ces choses sur la terre. Mais les démons sont derrière, dont des êtres. Donc ça veut dire que les démons sont à l'affût, ça. Absolument. Là, au milieu de nous se trouvent d'autres êtres, d'autres créatures. Donc, ils profitent de la faille qui provoque nos mauvais comportements. Les péchés, la faille dans la chose de Dieu les donne l'ouverture. Parce que, allons-y, rentrons encore dans Exode chapitre 29, nous avons commencé aujourd'hui. Nous avons lu le verset 18, 19 et 20. Quand vous allez ouvrir cela, et puis vous allez ouvrir Lévitique. Exode 22, nous avons lu ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Exode. Chapitre 22, lis le verset, toi-même lis le verset 19 et 20. Exode, c'est le deuxième livre après la Bible. Et quoi que ça, ta nouvelle Bible te fait des problèmes là maintenant. Ta Bible, sa nouvelle Bible, ça sent bon. Hein? Ça ne sent pas les encens, les tobes là. Exode 22, verset 19 et 20, qu'est-ce que ça dit? Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Oui. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux, car l'Éternel sera voué à l'extermination. Voilà, vous allez chez les marabouts. ils font des choses, ils jettent une partie, un courrier au sol. Ils regardent le courrier. Ils regardent le courrier. Après, tu dis le nom de ta mère. Les courriers parlent. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se cache derrière les courriers? Les esprits sont derrière. Elle a un hôtel, elle dit lance là-bas. Tu lances une pièce d'argent ou bien tu mets quelque chose, bien la photo là-bas. Elle te dit les événements, ça arrive. Ce n'est pas normal. Donc les esprits sont derrière. Elle est canalisée par un esprit. Maintenant, voici le problème. Le problème, c'est que cette personne, surtout dans la désobéissance, le fait que tu vas là-bas la consulter. Lévitique chapitre. Lévitique maintenant. Lévitique chapitre. Après Exode, là, il y a Lévitique, puis il y a Nombre. Lévitique chapitre 19. Voilà, nous allons lire le chapitre, dans le chapitre 19 et 20. Chapitre 19, lis le verset 31. Qu'est-ce que ça dit? Verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Oui. Ni vers les divins. Ne les recherchez point. Oui. De peur de vous souiller avec eux. De peur de vous souiller avec eux. Souiller avec eux. Parce que quand tu y vas, tu souilles. Comment, quand il dit souiller, vous souillez avec eux. Il parle là de l'âme. Il ne parle pas de corps humain. Parce que souiller sur le plan humain, ça veut dire par exemple, c'est salir. Vous voyez cela? Quand par exemple tu portes le blanc et puis subitement peut-être en mangeant de lui tombe là-dessus, on dit tu as souillé ton vêtement. Parce que ton vêtement a été entaché. Là, quand tu visites les marabouts, tu as des blessures sur ton âme. Des dommages sur ton âme énormes. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué, je vais vous donner du repos pour votre quoi? L'âme. Parce que l'âme est en quête des sensations, en quête des nouvelles choses. Maintenant, le Seigneur Jésus accorde cette âme-là. Quand cette âme-là est encerclée par le Saint-Esprit, là, les perversions. Vous savez, c'est pour cela qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut être délivré du péché. Sans ça, ton âme, tu vois, tu seras obligé, tu vas dire à quelqu'un que non, ne pêche plus, il ne peut pas s'empêcher parce que l'âme lui implique cela. Il faut le Saint-Esprit, sans ça, on va continuer à pêcher. Parce que c'est emprisonné là-bas pour que l'âme puisse se stabiliser, un peu comme les électrons qu'on fait dans le laboratoire. Et puis, tant que ça ne revient pas à l'état fondamental du niveau d'énergie, ça va toujours continuer à être excité. Donc, l'électron est excité. Il faut que ça retourne à l'état fondamental. Là, tant que l'être humain n'a pas, il est insatiable. Vous comprenez cela, hein? Tant que ce n'est pas satisfait, vous voyez un être humain normal, un grand homme du pays quitte son grand bureau. Bien luxueuse, il sort dans la nuit avec les voitures fumées. Il descend dans la forêt dans la nuit pour aller voir quelqu'un qui va lui dire va te laver dans le marigot. Il lave dans le marigot, le serpent vient, il lave le serpent, il revient, il s'habille encore. Vous voyez, c'est normal? Vous voyez comment l'être humain se réduit au niveau de la bête. Maintenant, voici le problème. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comme on entend le lire là, Dieu donne les interdictions et les conséquences sans dire le pourquoi. Il effectivement, il a les empêcher. C'est le Nouveau Testament qui nous met donc en relation en nous disant clairement ce qu'il en est. Exode chapitre 22, verset 20 nous a dit que quiconque va donner des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel sera voué à l'extermination. C'est ce qu'il a dit, l'extermination. Donc Dieu va l'exterminer. Maintenant, quand il dit ça, il ne dit pas le pourquoi. Il dit on donne le parfum. On dit qu'on allume l'encens comme les bouddhistes font partout, les catholiques font là. Il donne ça à d'autres dieux. 1 Corinthiens. Premier épître des Corinthiens. Premier épître aux Corinthiens. Chapitre 8. Il veut que vous regardez quelque chose. Il veut à partir du verset 1, du chapitre 8 de 1 Corinthiens. Pour ce qui concerne des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour ou bien la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Vous voyez ce que le Nouveau Testament dit? C'est dangereux ça. Or, pourtant, Dieu interdit clairement l'idolâtrie dans l'Ancien Testament. Et pour chaque fois, il va détruire les dieux à cause de l'idolâtrie. Celui qui vient sortir, il dit calme, il dit qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. Vous voyez ce qu'il avait dit? Maintenant, puis il dit qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, il va dire ici, dans ce verset 4, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais regardez bien. Puis il dit car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, au pluriel, soit dans le ciel, soit sur la terre, dont il y a des dieux en haut. Où est-ce là? Il dit, comme il en existe réellement, il veut dire qu'en réalité, ça existe plusieurs. Il veut en réalité dire que ceux qui sont vraiment de la vérité, ça qu'il n'y a qu'un seul Dieu créateur, le grand. Le vrai, il est unique. Les autres là sont les dieux. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, il dit ici, il dit, comme il existe réellement, son verset, c'est la partie ici et là maintenant. Comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Maintenant, écoutez, mais cette connaissance, donc cette révélation, n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de cette viande comme étant sacrifié aux idoles. Et leur conscience qui est ferme en est souillée. C'est exactement ce qu'Exode nous dit là. C'est ce que Lévitique disait. Maintenant, écoutez, ce n'est pas un animal qui nous rapproche de Dieu. Ah mon Dieu, si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Donc en réalité, vous voyez, chez les Africains, chez les Bantous, on va dans les hauts lieux, on fait des nourritures, là-bas on partage. Vous allez là-bas, vous mangez, ça vous êtes possédé. L'apôtre Paul dit que celui qui a la révélation, ça n'a rien, ça n'a pas d'effet sur lui. Parce qu'en réalité, il faut naître de nouveau. Si tu es né de nouveau, ça n'a pas d'effet sur toi. Quand tu es né de nouveau, le monde est pour toi, tout ce qui est le monde est pour toi. Tu peux user le monde dans le monde maintenant, des choses du monde, comme n'en usant pas. Mais maintenant, si tu n'es pas dans ce niveau-là, de ces connaissances-là, il faudrait m'aider à éviter. Écoutons très attentivement, regardez. Puis il dit, ce n'est pas... Non, je crois qu'on a lu cela. Verset 9, prenez garde toutefois que votre liberté, je crois que... C'est ça, non? Verset 9. Mm-hmm. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit qui a de la connaissance assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui, qui est faible, ne le portera-t-il pas à manger, ne le portera-t-il pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Vous voyez? Maintenant, allons au chapitre 10. Verset 15 et suivant. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe des bénédictions que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Vous voyez? Voilà. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Le pain, regarde bien, le pain. On n'appelle pas le pain la communion. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Le pain n'a pas la communion. C'est en mangeant que nous communions. Participation. Réunion, ça nous met en union, en relation. Le pain. Maintenant, dans le pain n'est pas la communion. La coupe n'est pas le sang. Donc, quand nous buvons de la coupe, on participe au sang, on communie. On se met en relation. Ça nous met en relation. Ça nous pousse à entrer en action avec le Seigneur. Regardez bien. Ça, c'est dans le cas des chrétiens. Alors, verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Maintenant, voyez les Israélites selon la chair. Donc, ils rentrent dans l'Ancien Testament. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Tu as vu que ce n'est pas l'autel qui mange. Ce n'est pas l'autel qui est appelé communion. C'est ça. Quand ils mangent, ils participent à l'autel. Maintenant, voici l'autel. L'autel, c'est un lieu qui est dressé pour une divinité où on offre le sacrifice proprement. Donc, ça veut dire que c'est ce que dans le film, on appelle par exemple s'appelle le lieu de passage, là, les portes. L'autel, c'est un lieu, un porte de communication entre le visible et l'invisible. Highlander, c'est ça? Ou bien Stargate. Stargate. Les portes où on passe pour aller dans notre dimension. Il n'y a aucun autel qui est élevé sur la terre qui est indemne. Si vous communiez à un autel, vous êtes en contact avec les divinités. C'est pour ça que vous voyez, les pasteurs font de façon spéciale des certaines choses. Quand tu veux faire quelque chose, tu vas faire le vœu là-bas. Sachant que si tu fais le vœu avec celui qui est derrière l'autel. Vous voyez cela? D'autres personnes viennent donc y mettre leur offrande plus là-bas. C'est pour ça qu'ils disent chaque fois à bon dessein, ils disent que cet hôtel, ce n'est pas n'importe qui doit monter là-bas. Que c'est spécial. Vous voyez, on fait n'importe quoi. Quand ils ne sont pas là, même si d'autres prêchent, ils prêchent à côté. C'est à dessein. Parce que sur la terre, il n'y a pas d'hôtel pour les chrétiens. Ça ne se trouve pas. Vous ne verrez pas ça dans la Bible, un hôtel où les chrétiens sont censés prêcher. Vous voyez ça dans les dénominations, c'est à dessein parce qu'ils communient avec les esprits. Me suivez, il peut avancer. Donc il n'y a pas d'hôtel neutre sur la terre. Au champ, les papas, il y a des parents qui on leur donne un arbre comme ça. Il y a des gens qui vont chez les parents, on leur donne un arbre, te plante ça devant ta cour. C'est un hôtel directement. La Bible appelle cela, dans sous les yeux de Deutéronome chapitre 12, on parle des hauts lieux, des arbres verts, de tout arbre vert. Ils ont sacrifié ce tout arbre vert. On va te dire chaque fois qu'il faut arroser cela. Ne sachant pas que c'est ton avenir, c'est l'avenir de tes enfants que tu as enterré. Petit à petit, les enfants commencent à maigrir. Quand l'arbre se maigrit, les gens, quelqu'un meurt à la maison. L'arbre verdit. Les gens ont des problèmes. Donc les hôtels, tout hôtel, était haut lieu et par conséquent met en relation la dimension physique à la dimension spirituelle. Et ça met en relation donc cela, ça veut dire qu'il y a des esprits qui sont chargés comme des portes. Nous savons que lui-même est l'esprit porte. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il a dit, je suis la porte. Vous devez entrer par lui. C'est notre hôtel. Il est en même temps notre hôtel, notre sacrifice, notre sacrificateur, notre intercesseur. Il est tous là. C'est pour ça que l'hôtel dans le ciel peut parler. Vous y êtes? Maintenant, regardons ici. Verset 18 encore. Voyez les Israélites selon la chair. Selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Si vous comprenez ce que l'apôtre Paul veut dire, on prend un mouton, on vient sur un autel pour le sacrifier, on sacrifie. Il veut dire là que le mouton là n'est pas le problème. Parce qu'avant de quitter de la maison, c'est Dieu qui l'a créé. Mais le problème, c'est qu'il y a des incantations qui sont faites là-bas. Il y a un esprit en réalité qui se tient là sur cet hôtel-là qui doit faire certaines choses pour que les êtres humains soient en communion. Regardez. Verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. Aucune idole est quelque chose. Nullement. Verset 26. Verset 20. C'est ce qu'il a dit. Il a dit. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Ça, c'est la révélation de tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Donc c'est dans le Nouveau Testament que pour la première fois, il le dit de façon ouverte. Alors, lorsque tu vas aller interdire les gens dans leur village de sacrifier ces choses-là, ils vont dire c'est notre tradition. Donc, leur tradition dont tu as dit de dire là, l'appellation spirituelle du côté de Dieu, ça veut dire que ce sont des démons. Pourquoi on va dire que cette danse est réservée aux initiés? Quand on parle des initiés, c'est parce qu'il y a certaines choses cachées que tu ne dois pas savoir, que ce sont, il y a certaines personnes, tu dois faire certaines choses pour qu'on puisse te donner. Pour être sûr que tu gardes le secret de ce groupe-là. Et par conséquent, les esprits nous ont transmis des secrets, des connaissances. Ce sont des connaissances qui ne veulent pas que tout le monde obtienne. L'initiation, il faut donner l'initiation. Or, tout ce que Dieu veut faire, voilà ce qui est caché là-bas, voilà ce qui est écrit là-bas, noir et blanc. Et les ennemis de Dieu lisent, et Dieu, les gens de Dieu lisent. Nous sommes d'accord? Et ce qui est caché là-bas. Il a dit que ce qui est de la lumière n'est pas caché. Voilà, Satan lit tous là, les satanistes lisent ici, lisent. Disons, le Dieu a mis tout son plan clair là-dedans pour nous montrer ce qu'il va faire jusqu'à la fin des temps. Jusqu'au renouvellement, comme même le ciel qui va descendre, les nouveaux ciels et la nouvelle terre qui vont descendre sont écrits à l'intérieur. Mais comme il est Dieu, personne ne peut empêcher cela. Pourquoi donc cacher? Dire certaines choses, il faut la formation, c'est pour les gens cachés, il faut qu'on leur dise cela. Vous voyez? Donc il dit ici, verset 20. Ce que j'ai dit, enfin j'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Donc, voici ce qu'il en est empêché. Alors, ça veut dire que si tu vas manger sur une table de démons, tu ne manges pas, la nourriture n'est pas le problème. Parce que tu peux t'asseoir sur une table comme ça, on sait les nourritures démoniaques. Tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces repas soient sans effet. Tu manges ton repas parce que ce repas a été créé par Dieu. Vous voyez? Mais le démon est la star, la personne qui n'a pas, qui n'a pas sa connaissance et cette révélation là, il a le problème parce qu'il va manger, il entrera en contact avec les démons. Maintenant Dieu avait dit que veillez attentivement sur vos âmes dans Deutéronome chapitre 4, verset 15 à 19. Il dit veillez attentivement sur vos âmes, parce que c'est l'âme. Quand il parle de souiller ici, il parle de l'âme. Tout comme on a dit lui dans Lévitique tout à l'heure, il dit que si quelqu'un s'adresse au monde et aux esprits pour se souiller, donc c'est l'âme qui est le problème. Quelqu'un qui visite le marabout, son âme est possédée par ces esprits-là. C'est pour cela qu'il ne peut pas avoir la porte de la foi facilement. Quand il aura un problème, il va toujours chercher le marabout. Quand il attend, Dieu ne se manifeste pas, il part chez le marabout. Parce qu'une porte qui a été ouverte dans son âme. Souvenez-vous de ce que j'ai dit dans un autre truc ici, que l'âme était grand plus que notre corps. Voilà. Que Dieu bénisse. Alors il y a les esprits dans toutes ces choses-là, les esprits de l'impudicité, les esprits qui poussent quelqu'un à commettre l'impudicité. Il y a des gens donc qui peuvent coucher avec des femmes. Et les femmes qui peuvent coucher avec l'homme sans avoir problème d'impudicité. Quel esprit qui soit derrière. Et donc maintenant, voici la chose. Le signe qui a un esprit derrière une situation. Le signe qui a l'esprit derrière une situation, c'est quand lorsque ça devient inhumain. C'est-à-dire de façon inhumaine, tu ne peux plus arrêter. Quand tu ne peux plus arrêter la situation par toi, mais quand ce n'est plus maîtrisable par toi, tu es sous le coup de la malédiction, comme la Bible déclare dans Deutéronome, ou mieux encore, plus simplement de la possession démoniaque. Quelqu'un qui dit je ne fume plus. Après on voit que ah ouais. Dans la psychologie, on peut dire que c'est il a développé l'autodépendance. C'est ça, ma soeur? La dépendance qui dépend de cela. Mais il y a un lien, quelque chose qui le pousse à dépendre. Vous voyez? Mais vous avez vu quelqu'un qui boit indéfiniment l'eau? Il n'y a pas vrai? Parce que c'est qui meurt, ça, sans le tuer. Vous pouvez facilement dire, ok, je ne mange plus là maintenant. Mais quand c'est l'esprit de gourmandise, il va toujours manger, toujours manger, toujours manger. Vous allez voir quelqu'un qui a 500 kilos, mais il mange toujours, il mange. Mais c'est l'état indépendant, il va mourir. C'est pas cela. S'il est dérivé de cet esprit, il arrête de manger, même si la nourriture est là. Celui qui est possédé de l'esprit des cigarettes là. Oh, c'est pas la cigarette qui est l'esprit, c'est un esprit qui est de la cigarette. L'esprit là se nourrit de la satisfaction qui tire de la cigarette. Vous me suivez, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Par rapport à ce même sujet, nous avons autour de nous nos frères musulmans. Oui. Souvent nous sommes voisins. Oui. Et à la fête de la Tabaskine. Oui, ils vous invitent. Voilà. Non, nous avons même la viande. Ils envoient la viande, voilà. Pas tout le monde. Nous avons la viande. Oui. Voilà, c'est votre part. Déjà. Là maintenant, je crois que c'est bon de résoudre pas cette question. Je vous pose une seule question. Avez-vous déjà invité un musulman chez vous, il a mangé la viande chez vous? Non. Je veux que vous me dites. Non. Vous pouvez inviter un musulman chez vous, dans une restaurant, vous mangez un musulman, un vrai musulman, il mange chez vous. Vous faites la viande là, il mange tranquillement. Non. Non, non. C'est pourquoi? Voilà, voilà. Pourquoi? Donc ils sont rigoureux vis-à-vis de leur religion. Parce qu'ils ont peur qu'en mangeant là, vous le trompez, qu'ils mangent la viande du porc. Nous n'avons nous pas de viande pour nous manger nous-mêmes aussi. Pourquoi comme ça pour la question que s'ils m'envoient faire commander ça? Vous savez, c'est pour ça que les témoins de Jéhovah, quand ils viennent m'inviter, je dis que moi j'ai pas de problème, je peux venir chez vous. Mais la condition que je viens chez vous, c'est que je vous invite, la condition qu'on me donne ta parole, que après j'invite aussi chez nous, toi si tu viens. Et ceux qui ne viendront pas. Alors si ils ne viennent pas, je ne viendrai pas non plus. Vous voyez? Donc, c'est ça le problème. Je dis, si je suis là, le musulman fait quand j'ignore bonjour. Je dis bonjour mon frère. Je suis venu te donner la viande de sacrifier comme ça là pour les Tabaski. Je veux dire que ok, je suis aimé toi beaucoup, mais si tu me donnes la viande, je vais prendre si à condition que ça te donne aussi ma nourriture, tu vas prendre. Tu vas prendre. C'est dit non, je dis rentre avec ta viande. Ça se voit qu'il sait ce que c'est que cette viande là. Et dans ce cas, pourquoi ne prends-tu pas notre viande? Vous voyez, n'est-ce pas? L'amour ne soupçonne pas le mal. Pas que sa viande est mauvaise, mais parce que la circonstance qui entoure cette viande là, il fait comme ça là parce que dans sa religion, on dit par exemple qu'en faisant cela, il faut accomplir la zakat avec les biens. En faisant ça, il te compte dans les biens qu'il a fait sur la terre. Je ne le favorise pas pour aller en enfer. Qui pas manger sa viande ou bien donner une personne. Tu vois ça? Je vous bénisse. Question? Moi, j'aimerais aborder par rapport à la prière. La prière? Oui, parce que à l'église catholique, là où j'étais, on avait les chemins de prière. Oui. Donc aujourd'hui, je me retrouve un peu mélangé parce que. Tu ne sais plus comment prier. Voilà. Quand tu veux prier par réflexe, tu veux dire le Notre Père. Voilà, il y a le Notre Père, il y a le Salut Marie. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un schéma type de prière? Oui. Est-ce qu'il y a un commencement, il y a une fin, il y a un milieu? Oui. Quand on prend sa Bible, oui. Comment est-ce qu'on commence la prière? Voilà. C'est bien. Et puis après aussi, bon, par rapport au jeûne. Et le jeûne, oui. Le jeûne. Oui. Comment passer une journée de prière et de jeûne? Une journée de jeûne et de prière. Voilà. Donc on va développer les deux là, n'est-ce pas? Allons-y dans le désophonie. Quand vous aurez le problème là maintenant. Connaissez Sophonie, non? Sophonie. Notez le livre de Sophonie, puis notez le livre de Jonas et le livre de Miché. Et bien, osez. J'ai dit Sophonie, et puis j'ai dit quoi encore? Osée. Jonas, Miché, Osée. Donc, quand vous avez le temps, vous faites cela. Si vous ouvrez Habakkuk, non, ce fournit, c'est le problème, c'est dans l'ancien testament. Rentre. Doucement, non, c'est là, c'est bon. Oui. Vas-y. Non, pas là-bas. Continue. Voilà, continue doucement maintenant. Doucement. Voilà, Osée. Tu as vu Osée déjà, non? Voilà. Continue. Voilà, Amos, continue. Voilà Jonas, tu as vu Jonas, voilà Michel. Ma coupe est là doucement. Maintenant tu as soufflé. Souvenir chapitre 1. Lis le verset 4 à 6. J'étendrai ma main sur Judas et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Qui ne le consultent pas. Donc Dieu dit clairement, il en est d'amener comme ça le malaise sur eux. Tout à l'heure, on va toucher le cas de... On va parler du nouveau ordre mondial. Vous allez voir là où la Bible parle du nouveau ordre mondial. Dans un des passages, il parle du nouveau ordre mondial. Ici, Dieu en a dit qu'il il a le problème contre ces personnes-ci. Il dit qu'il ne le cherche pas, qu'ils sont détournés. Ils sont d'abord détournés de lui. Et il dit qu'il ne le consulte pas. Donc, il ne cherche pas, il n'invoque pas Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, ça veut dire que l'être humain qui est détourné de Dieu est censé l'invoquer. Notez Romains chapitre 10. Notez aussi Romains chapitre 10, verset 14 à 17. La question maintenant, il faut bien garder la question à l'esprit. Comment prier? Parce qu'en fait, tous ceux qui sont dans les dimensions, c'est pas seulement toi le problème, les catholiques le problème, même ceux des pentecôtistes. Parce qu'ils sont habitués à voir le feu partout. Le sang, voir le sang, nager à l'intérieur, couvrir avec cela. Vous voyez? Maintenant, quand on leur dit maintenant que c'est pas comme ça, ils disent, ah, comment je vais prier? Parce qu'il est habitué à faire bon, le feu. Comme le catholique est habitué avec Marie et notre Père, c'est ainsi que le pentecôtiste est habitué avec le feu. Fire, fire, fire. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand tu lui dis que ce n'est pas biblique, non, non, puisqu'il est habitué, il faut qu'il trouve des substituts. Il faut donc dire ce qu'il en est exactement. D'accord? Il faut qu'on dise ce qu'il en est. Et pour qu'on réponde à cela, je vais aller vraiment au niveau de CE1 de la prière. C'est au niveau de CE1 qu'il faut commencer pour que les gens puissent bien saisir. D'accord? Parce que la prière de l'esprit est différente de la prière que nous faisons. Notez Ephésiens chapitre 6, je vais y arriver maintenant. La prière de l'esprit. Vous avez remarqué que c'est la façon dont je l'ai dit. J'ai dit la prière de l'esprit, c'est une chose. Maintenant, la prière en esprit, c'est une autre chose. Donc, je ne vais pas encore compliquer là-bas. Je vais expliquer vraiment au niveau CE1. Vous y êtes. Maintenant, écoutez-moi très attentivement maintenant. Donc, je vais commencer l'explication doucement. Tu as vu le feutre de mon frère qui est devant notre frère, à qui ça appartient? Il appartient. Ça lui appartient. Tu as remarqué que tu as lu Souvenir chapitre 1, le verset 6. Tu as remarqué là où il a dit, verset le dernier, voilà. Et ceux qui se sont détournés de l'Éternel. Oui. Et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, ils ne le consultent pas. Voilà. Mets la feutre là-bas pour comme ça, quand désormais la prochaine fois. Tu as vu ce qui s'est passé dans la prière là maintenant? Tu as vu la prière que tu as faite? J'ai bien dit qu'il va expliquer au niveau CE1. Je veux que vous observez ce qui se passe. Tu as vu, tu as fait une prière et ça a été exaucé. Tu as remarqué? Tout de suite là? Oui. Tu ne sais pas que tu as fait prière. Dis-moi comment tu as fait pour souligner ça. J'ai vu. Oui, tu as lu, ça c'est la lecture, mais il fallait souligner. Et tu n'avais pas de feutre. Comment tu as pu souligner avec les feutres? J'ai pris le feu. Tu as pris sans demander. Et tu as quand même souligné. Donc tu avais un désir de feutre. Et lorsque tu as eu le désir de feutre, tu as eu le feutre. Donc ton désir a été exaucé. N'est-ce pas? La Bible donc nous dit que Dieu sait de quoi nous avons besoin avant que nous lui demandions. Donc il y a les prières qui se trouvent en nous, qui ne sont même pas exprimées, et Dieu exauce. Tu dis, ah, il faut que je voie telle personne. Dans ton esprit, il faut que je voie telle personne. En voyant, en allant quelque part, tu le rencontres, tu dis, ah, je te cherchais même. Tu as fait la prière, ça a été exaucé, mais tu ne sais pas en réalité que tu as prié. Parce que les prières sont l'échange entre un être qui est faible et un être qui est fort, et ce sont ces désirs qui désirent, qui demandent. C'est une communication. Vous voyez? Un SOS de détresse. Vous voyez? Maintenant, là, tu avais besoin de feutre. Avant que tu ne tends la main, le frère t'a donné. Ça, c'est entre vous. C'est exactement ce qui se passe avec le Seigneur. Maintenant, demande le feutre. Mon frère, demande le feutre, s'il te plaît. Voilà. Tu vois que là, tu as besoin de feutre. Tu as dit, mon frère, demande ton feutre. Quand je t'ai demandé, demande-lui le feutre, tu ne m'as pas demandé comment est-ce qu'on demande le feutre. Tu as demandé le feutre. Remets-lui encore le feutre. Bon, maintenant, demande le feutre à la manière des catholiques. Premier réflexe, c'est quoi? Va le feutre là-bas chez lui. Qu'est-ce que le catholique fera? Ferme tes yeux. Reçois-nous notre Père qui est au ciel. Allons-y. Notre Père qui est au ciel. Oui. Que ton nom soit sanctifié. Oui. Que ton règne vienne. Oui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Oui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui. Et ne nous soumets pas à la tentation. Oui. Mais délivre-nous du mal. Oui. Car à toi appartient. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire des siècles et des siècles. Amen. Amen. Après tu finis maintenant. Balance-nous avec Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Ta prière finie, non? Bon maintenant, tu as le feutre. Non, je n'ai pas le feutre. Est-ce que tu as demandé le feutre? Non. Dis donc, voilà la bêtise catholique. Dis donc, voilà la bêtise catholique. Voilà la bêtise catholique. Voilà. Donc, en réalité, ici, vous faites des incrémentations de dégénérescence. Tu n'as pas prié, tu as fait des répétitions. Parce que s'il fallait maintenant, si tu veux le portable, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les yeux, tu fais quoi? Allons-y. Si c'est le portable maintenant que tu veux, allons-y. Ferme les yeux. Allons-y. Notre Père. Notre Père. Oui. Oui, tu commences. Tu finis. Après, tu passes à quoi? Amen. Et puis tu passes à la deuxième chose, tu passes à quoi? Je vous salue Marie. Quand tu finis, tu ouvres les yeux, tu as le portable. Si tu veux maintenant la Bible, tu fais quoi encore? tu vois le problème, n'est-ce pas? Est-ce que la clé que tu ouvres ton portail avec, c'est la clé que tu démarres la voiture avec? Non. Est-ce que la clé que tu démarres la voiture, c'est celle que tu ouvres ta chambre? Non. Donc chaque porte a sa clé. Comment tu veux le feu? Tu dis Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres fléchés. Donc, est-ce que le problème là-bas, c'est pour qu'elle prie pour vous? Tu as besoin de prière? Tu as besoin de quoi là? J'ai besoin du feu. Ouvrons donc la Bible et voyons donc que c'est ce que Jésus a dit. Matthieu, prenons le chapitre 6, et le 2 chapitre 6, le chapitre 7 d'abord. Donc, note Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7. Luc chapitre 11 et Luc chapitre 18. Commençons donc par Matthieu chapitre 6. Toi-même lis à partir du verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc, tu vois ça dans les églises aujourd'hui. Tel a donné 100 000 francs. Oh, j'ai donné une contribution. Oh, et on dit ça, on dit ça dans la vie. Continuons, c'est même pas le mois. Okay. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Afin que ton monde se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment appuyer debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bon, arrêtons d'abord là-bas avant de finir. Quand toi tu priais là, tu priais qui? Tout à l'heure là. Oui. Tu t'adressais à qui? C'est une invitation que je faisais. Oui, oui, mais là, tu t'adressais à qui? La notre question. Père. Notre père, tu es sûr? Ok. La Bible nous dit ici que lorsque vous priez, quand tu vas dans le secret pour t'adresser, à qui est-ce qu'on doit s'adresser? Le verset 6 là. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Donc c'est lui qu'on doit prier. Qu'est-ce que Marie a à voir? La Bible dit de façon spécifique que lorsqu'on est dans le secret, à qui est-ce qu'on doit s'adresser? C'est au Père. N'est-ce pas? Alors dans ce cas, quand je dis Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, tu t'adresses à qui? Quel est ton interlocuteur? C'est Marie. Marie. Est-ce que la Bible dit qu'on prie Marie? Non. Et c'est Jésus qui dit cela, Jésus qui est le fils de ces Marie-là. Il dit que la prière est adressée à telle personne. Vous dites non, vous pouvez faire. Alors maintenant, lorsque tu veux faire ces choses, tu dis notre Père qui est au ciel. Après, tu finis par Marie. Quand tu fais plus 1, moins 1, tu trouves quoi? Zéro. C'est pour ça que les prêtres ne sont pas répondu. Parce qu'en fait, tu ne fais rien. Vous voyez? Tu commences par Père, tu t'adresses au Père, tu parles à Mère. C'est pas ce qu'il dit. Parce que le Père n'a pas de main. D'accord, frère? Le Père, là, il n'a pas de main. Dieu n'a pas de main. Nous sommes d'accord? Voilà. Maintenant, lis le verset 7 maintenant. Verset 7. Oui. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Comme les païens, ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Combien de visites d'Ave Maria vous faites? Mille. Combien de chapelets? 1000. Quand tu fais 1000, quelque chose se passe. Quelque chose s'est déjà passé. Malgré les 1000 Ave Maria, qu'est-ce que la Bible dit verset 7 encore? Ne pas répéter les vœux. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc les catholiques sont les païens. Les païens. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Si tu perçois dans ce que la phrase l'a dit, tu seras en joie d'aller prier. Parce que tu sais déjà que avant d'aller, la motivation est plus et tu sais que ton Père connaît ce que tu sais quoi. Parce que Dieu, il connaît ce que tu vas faire avant que tu ne saches même toi-même. Tu vois? Maintenant, ici, il dit ne leur ressemble pas. Donc, ne ressemble plus aux catholiques. Hein, mon frère? Tu es catholique? Tu es catholique? Bah, et la Bible dit. Et le Notre Père, ça se trouve ici dans ces passages, c'est qu'on va lire en bas qui va parler de nous. Lorsque tu vous priez, dites le Notre Père qui est au ciel. C'est là où il dit. Mais avant ça, il a d'abord mis les garde-fous, les mauvaises façons de prier, ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il ne faut pas faire, on ne vous apprend pas ça. On dit le Notre Père qui est au ciel, on dit ça une fois. On dit Ave Maria, on dit maintenant le Père reste notre, ainsi de suite. Mais ça, tu as enseigné ça aux gens. On avance là. Allons-y dans le livre de Luc maintenant. Donc, au chapitre 17, maintenant, il dit, demandez, et cela vous sera donné. Ouvrez, on va vous ouvrir. Donc, on va au chapitre 17. On a lu le chapitre 11. Luc chapitre 11. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Non, jusqu'au verset 13. Hein. Allons-y, frère. Après, on va au chapitre 18. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Voilà, donc ça n'est que ton problème et les problèmes de tous ceux qui nous écoutent, c'est légitime. Si tu ne sais pas prier, c'est légitime. Même les disciples eux-mêmes avaient le même problème. Il a fallu que Jean Baptiste vienne pour apprendre à ses disciples comment prier. Vous voyez, Jésus est venu, ils avaient le même problème. Les disciples avaient le même problème. Mais nous allons voir maintenant que leur problème est différent du nôtre en ce sens que lorsqu'on les rentre, on les enseigne, ils comprennent, ils appliquent. D'accord? Allons-y. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Stoppons là-bas. Tu fais cette prière chaque jour, non? Oui. Quand tu sors, c'est le pain que tu manges. Non. Tu manges à l'oco. Tu as demandé à l'oco. Non. Verset 13. Verset 11, 12 et 13. Disons rapidement. 11, 12, 13. Allons-y. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Le mets à l'oco là-bas plutôt. Allons-y. Quel est parmi vous le père qui donnera du pain à un fils s'il lui demande? Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre? Non. Remplace pierre par aloko. Allons-y, tu vas comprendre ce qu'il dit. Quel est parmi vous le père qui donnera de l'aloko à son fils s'il lui demande du pain? Oui. Tu as dit, tu demandes le pain chaque jour quand en résistant ça. Donne aujourd'hui notre pain de ces jours. Tu manges quoi pour sortir? Aloko. Tu as demandé aloko. Non. Mais lui, il a dit que quel est le père? Que si tu demandes à l'oco, il va te donner plutôt le père. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème avec la prière. N'est-ce pas? Rentrons ici, continuons sur le mal. Allons-y, verset 4. Rentrons. Verset 4. Pardonne-nous nos péchés. Oui. Car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Oui. Et ne nous induis pas en tentation. Oui. Ça, c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Voilà, donc, quand les disciples ont demandé au Seigneur de leur apprendre à prier, voici ce qu'il leur a dit. Maintenant, quand tu lis la Bible, tu as vu un disciple prier comme ça? Est-ce qu'il y a quelque part où on a récité le Notre Père? Non. Dans ce cas, pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, les catholiques par exemple, avant de faire pourquoi dire Notre Père? Vous voyez que les catholiques n'ont aucune révélation de la Bible, n'est-ce pas? Parce que le premier apôtre, si on va lire ce que le premier apôtre, enfin, le premier pape, lui, il a fait. Ils n'ont jamais prié comme ça. Pourtant, c'est eux qui ont demandé au Seigneur Jésus-Christ que lorsque vous. Enfin, ils ont dit que Seigneur, apprends-nous à prier. Quand on a appris à prier, ils avaient des problèmes. Ils n'ont jamais, personne parmi eux n'a jamais dit notre Père qui est au ciel, jamais. C'est devenu maintenant la répétition dans le credo des apôtres ou pour le credo catholique, ils appellent credo des apôtres, comme si quand les apôtres se réunissaient, ils faisaient d'abord le notre Père. C'est ce que les chrétiens expliquent. On n'a pas dans la Bible, on n'a vu nulle part où aucune réunion, ils ont commencé comme ça. Vous voyez, parce qu'en fait, ce qu'ils font est contenu dans ce que Jésus a dit. Il a de leur apprendre. On n'apprend pas en réalité la prière, l'expression de la prière à quelqu'un. On apprend le contenu. Le contenu, ça veut dire comment prier, qui prier, de quelle façon prier, quelles sont les mauvaises façons de ne pas prier, de pouvoir prier. Ça s'apprend. Mais pour ce qui est du désir de ton cœur, pouvoir demander, c'est toi, à toi de le faire. Tu vois cela? Maintenant, tout à l'heure, tu as besoin de feutre. Tu dis notre Père qui est au Sénat. Dans cela, tu as demandé le feutre. Tu vois ça, n'est-ce pas? Si tu as besoin de portable, tu dis, ah, Sainte-Marie, mère de nuit. Même dans le Sainte-Marie, là, tu ne combines même pas pour te guider le portable. Tu dis, prie pour nos pauvres pécheurs. N'est-ce pas? Donc, la prière, ce n'est pas la répétition. Si on fait quelque chose, on dit que prie, c'est chaque fois, c'est un problème déjà. Tu vois? La parole est là, sur notre canal. Maintenant, regardons verset 5. Voici, quand il finit ça, quand il finit de dire notre Père qui est au ciel, il va donner un exemple directement de cette prière, comment prier. Regardez, allons-y, verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi trois pains. Tu vois, quand celui-ci vient dans la nuit, imagine-le en train de marcher. Il vient, il fait pan, pan, pan. Qu'est-ce qu'il dit pour celui qui est à l'intérieur? Il dit, imagine le scénario. Deux personnes sont amies. L'un est boutiquier. Je crois que c'est parce que tu n'as pas encore lu la chose. Lis d'abord, parce que. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, lui dit, ami, prête-moi trois pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Tu as vu? Donc il y a un besoin qui est présent. Il y a une personne qui est censée satisfaire ce besoin. On va vers cette personne. Imagine donc que ce monsieur-ci, celui qui a un visiteur qui est venu, il va de l'autre côté là-bas, quand, il dit, oui, qui va là? Il dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, car c'est à toi qu'on ne sait pas comment rester cela. Après, il finit, il dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, fais ça. Il reste tranquille. Le problème est résolu. Après, quand tu dures 4 heures, la personne ne se réveille pas. Tu fais encore quoi? Tu fais encore quoi? Pong, pong, pong. Il dit, mais qui va? Tu veux quoi? Tu dis, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Il va dire, va rester ça là-bas à la cathédrale Saint-Monique. Mais en fait, ce qu'il a dit ici, oui. Quand on fait ces gens de prière de répétition, oui. C'est-à-dire avant de prier, on y met le feu. Oui, lequel Seigneur fait en sorte que l'examen que je vais passer marche. Oui. Donc, comme il est dit ici, oui. Importuné. Importuné. Répétez, répétez, répétez. Oui, mais tu répètes quoi? Tu répètes quoi? Il y a vraiment la répétition, mais pas répétition les 20 paroles. Parce que tout ce que tu dis dans Sainte-Marie, pas une autre paix, c'est 20. Parce qu'en réalité, tu as besoin du portable, tu demandes le portable. C'est ça. Tu as vu cela, n'est-ce pas? Tu as besoin de tes choses, tu demandes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de clé passe-partout qui tu vas démarrer la voiture avec Denise. Non, non, non, il n'y a pas ça. Quand tu as besoin du portable, tu demandes le veut le portable. Parce qu'ici, là, il dit clairement que celui-ci veut du pain. C'est ça. Il veut du pain. Il dit, cet ami là va se lever pour lui donner du pain et plus demander quand tu as encore besoin de quoi. Parce que l'importune, quand tu veux, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Parce que tu ne donnes pas le pain, il n'est pas satisfait. Toi-même, tu ne seras pas, tu pourras pas dormir. Et par contre, il va rester là tant que tu ne donnes pas. Parce que si tu fais 9000 Ave Marie, tu vas te fatiguer. Parce que tu, en fait, tu ne sais pas ce que tu veux. Alors, quand tu dis Ave Marie, tu dis notre pain, que ton nom soit santé. Après, quand tu finis, ton besoin, tu n'as pas posé le problème. Donc imagine toi donc devant la maison de quelqu'un, toi tu es un catholique, tu vas là-bas, tu dis con, il dit qu'est-ce que tu veux? Tu dis Sainte Marie, Mère de Dieu. Il va te dire qu'il n'habite pas ici. C'est la cathédrale, c'est mon nom, il habite. C'est pas ça frère? Il va dire que Sainte Marie n'habite pas ici. Parce qu'il veut, s'il a quelque chose que tu veux, c'est cette chose qu'il faut demander. Un Jean. Un Jean chapitre 2. Prenons chapitre 5 de 1 Jean, chapitre 5. Versets 14 et 15, livre. Prends le feutre et puis tu encartes cela. Ta Bible n'est pas peur encore. Verset 14. Et les quatre êtres. Non, non, non, tu es dans l'Apocalypse. J'ai dit 1 Jean. Il y avait un autre. Un Jean. Tu as ouvert l'Apocalypse déjà. Non, première une déjà. Non, le chapitre 5. Chapitre 4 là, chapitre 5. Voilà, le verset 14 et 15. Verset 14 et 15. Oui, qu'est-ce que ça dit? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Oui. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Amen. Tu as su ça? Donc il faut d'abord savoir la chose que tu as de lui demander. C'est ça. N'est-ce pas? Puis vérifier si cette chose que tu as de lui demander est conforme selon sa volonté. Par exemple, tu ne dois pas voir, voilà ta femme là-bas, regarde-la un peu, souris, vois. Dis, tiens, je t'aime. Tiens, je t'aime. Tu as vu ça? Tu peux aller prier maintenant, tu dis, Seigneur, donne-moi une femme. Une belle femme, quoi. Parce que sa volonté dit que c'est un homme ou une femme. Tu vois? Il dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté. D'abord, la première chose à faire, c'est que la chose que tu demandes doit être conforme à sa volonté. Tu ne dois pas demander quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Donc ça dit que tu vas demander quelque chose qui est contre la volonté. Comme par exemple cette chose de Marie. Quand tu pries à Marie, c'est de contre la volonté de Dieu. Tu vois comment la dénomination catholique, cette entreprise de la sorcellerie, a commencé à éduquer les gens à être contre Dieu. Et c'est à la porte même de l'entrée des relations avec Dieu. Parce que la prière, c'est la voie par excellence pour s'adresser au Seigneur. Et c'est là justement qu'ils ont mis une pierre d'achoppement. Jésus dit, priez le Père et priez plutôt la femme. Tu vois? Alors ils sont butés comme ça. Donc la prière est faite. Avant de faire la prière, il faut d'abord savoir si ta motivation est pure. C'est-à-dire que si ça cadre avec la volonté de Dieu. Quand ça cadre, par exemple, si tu cherches du travail, c'est normal parce que la volonté de Dieu dit que l'homme doit travailler. Alors tu peux lui demander du travail. Quand tu demandes du travail maintenant, tu n'as pas dit Seigneur, va aller travailler dans ce casino-là. Tu sais très bien que là, le casino, là, c'est contre la volonté de Dieu. Tu vois ça, n'est-ce pas? Donc, il faut d'abord vérifier si ce que tu as de lui demander est conforme à la volonté du Seigneur. Quand c'est conforme, la deuxième chose à faire, il faut que tu répondes à la question, est-ce que Dieu, là, je suis conforme avec lui? est-ce que lui et moi nous sommes en entente? C'est quand vous êtes en entente, ça suppose que est-ce qu'il n'y a pas un péché qui bloque votre évolution, votre relation? Parce que si le péché bloque ta relation, c'est que la Bible déclare que ce sont ses oreilles. Notre Ésaïe 59, notre Ésaïe 59, verset 1 à 5, Ésaïe. Ésaïe chapitre 59. Verset 1 à 5. Dans ce livre, la Bible déclare que sa main n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles assez dures pour entendre. Ce sont nos crimes qui créent une séparation entre lui et nous. Donc, j'ai une demande à faire. Première chose, je vérifie que la demande est conforme. Quand la demande est conforme, je vérifie si je suis en bon terme avec lui. Si je suis en bon terme avec lui, ça se pose quand il parle, il entend. Ça, le bon sens, il n'y a pas d'obstacle entre lui et moi. D'accord? Maintenant, quand cette deuxième condition est réalisée, est vérifiée, je vérifie si j'ai suffisamment de foi pour croire que quand je vais venir, je vais obtenir ce que je suis en train de vouloir aller. Si c'est réalisé, je place ma demande en lui disant merci. Vous voyez cela? Je place ma demande en lui disant merci. Note Philippiens chapitre 4, Philippiens. Donc c'est pour cela que chapitre 4, verset 6 et 7, on va lire ça maintenant. Verset 6 et 7. Dès qu'on quitte dans cette injonction, on rentre rapidement dans Philippiens, chapitre 4, verset 6 et 7. Ici, donc, dans cette injonction, chapitre 5, verset 14, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. C'est une assurance, c'est la certitude supplée que la sûreté. Que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose, quelle qu'elle soit, que nous lui avons demandé. Tu as vu? Donc en fait, la prière et la relation d'intimité avec le Seigneur est simple. C'est la confiance. Rentrons dans ce livre de Pierre là. Ainsi en est-il donc par ricochet du jeûne. D'accord? Philippiens. Oui, rentre, oui. Rentre là. Oui, rentre doucement maintenant. Non, rentre doucement là. Oui, rentre. Oui, rentre. Je suis Philippiens chapitre 4. Le verset 6, 7. Lis, hein. 4, verset 6. Prends ton feutre. Ne vous inquiétez de rien. Oui. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Oui. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Donc quand on a des besoins, on ne doit pas s'inquiéter que ouais, comment il va faire avec la rentrée scolaire? Comment il va faire avec le bailleur? Comment il va faire? On ne fait pas cela. Parce que les inquiétudes ne donneront pas les solutions. Il dit, un, ne t'inquiète pas de quoi que ce soit. Deux, s'il y a n'importe quel besoin, faites-les connaître à Dieu. Vous voyez que l'enfant, normalement, les enfants du Seigneur, ce sont les gens qui devaient être comme des magiciens sur la terre. C'est-à-dire que tu restes comme ça, le monde dit que ouais, je souffre, tu es tranquille. Tu dis, c'est quoi? Et quand moi j'ai besoin de quelque chose, mon père me donne. Il dit, qui est ton père? Il dit, mon père, si j'ai besoin de n'importe quoi, il va me donner. Vous voyez? Tu restes tranquille, tu dis, oh, j'ai besoin de quoi? Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Il te donne. Il dit clairement ici que et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera tes pensées en Christ et en Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'il va garder ton cœur d'être troublé. Donc même si tu ne donnes pas quelque chose que tu as de lui demander, il te met la paix pour savoir que cette chose-là, il ne veut pas pour le moment. C'est pour ton bien qu'il ne te le donne pas. Enfin, n'est-ce pas, frère? Dans le livre de Bible, au chapitre 18, il a donné l'exemple d'une femme qui venait demander chaque fois à un roi qui était méchant de lui faire justice sa partie adverse. Il demande chaque jour, la Bible déclare qu'il faisait ça chaque fois, il venait me casser la tête. Le juge l'a dit, quoi que je ne crains point Dieu et que je n'ai des gars pour personne. Mais néanmoins, afin que cette veuve-là, cette femme ne vienne pas censée me casser la tête ici. Je lui je vais résoudre quand même son problème afin qu'elle ne vienne pas me casser la tête. Vous voyez? Donc, et Jésus dit, et regardez ce que dit cette juge-là. Et Dieu ne rendra-t-il pas justice à ses yeux qui crient à lui jour et nuit? Je vous le dis en vérité, il le rendra promptement justice. Donc, il faut raffiner maintenant sa prière. Désormais, avant de prier, tu vas demander, avant de prier chaque fois maintenant là, jusqu'à ce que ça quitte ton esprit, demande pardon pour chaque Ave Maria. D'accord, frère? Donc si tu te demandes pardon chaque fois que tu as pris la gloire de Dieu donnée à une créature, à un démon, tu demandes d'abord cela. Tu dis, ah non, Seigneur, pardon, ah, je ne savais pas, c'était vraiment. Et toutes les voix que tu as données là-bas, Parce que chez les sataniens, il y a ce qu'on appelle l'égrégore. Toute la lumière qui t'entoure autour de toi, plus tu fais ça, plus tu développes. C'est pour ça que vous voyez, on le réunit chaque fois pour faire les chants. Chez les satanistes, chez les bouddhistes, il y a un chant qui font le hu. On fait ça plus, on fait ça plus, ça monte et ça attire davantage les démons. Tu vois cela, c'est le but de ces choses de Marie là. Ça attire les démons. C'est pour ça que tu peux aller casser un mur de cathédrale de fer, mais tu touches la statue de Marie. On va te montrer ce qui ça fait. Parce qu'il y a toute cette tension tout autour. Alors c'est bon avec la prière maintenant. Hein? Donc on ne prie plus notre Père, n'est-ce pas? Non. Mais il y a des gens, il y a même des évangéliques qui disent que non, au moins ça c'est écrit dans la Bible, tu peux prier ça. Jésus n'a pas demandé qu'on prie, parce que nulle part on ne voit pas ça en prière. Parce que c'est un enseignement qui est derrière. Parce qu'il a dit enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Vous voyez? Puis il a dit, quel est cet homme-là qui, quel est ce père qui peut donner des pierres à ses enfants s'il lui demande du poisson, du pain? Et, ou bien s'il lui demande, lui donnera-t-il les scorpions s'il lui demande du poisson? Donc s'il demande poisson, tu auras poisson. S'il demande pain, tu auras pain. S'il demande pain, tu as la cour, ce n'est pas ça. N'est-ce pas, frère? Donc désormais, quand tu as des besoins, va devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Genre, tu vas voir comment la vie chrétienne est facile. Tu n'as pas à doute. Tu n'as pas à rester 9000 Ave Maria avec les Nevers. D'accord, mon cher. D'accord. Maintenant, par rapport à bon, le deuxième volet, c'est le jeûne. Si j'ai touché, j'ai dit bien, le jeûne, il va de façon conséquente parce que le jeûne et la prière sont associés ensemble. Sur la faisabilité du jeûne, tu jeûnes selon ta capacité. Mais est-ce qu'il y a une heure pour commencer le jeûne? Tu fais encore selon ta capacité. Tu fais avec, selon ta capacité, oui. Ça veut dire que tu peux commencer à 18h, tu finis à 6h. C'est ça, non? Non, mais c'est la nuit. C'est la nuit, ça? 6h, 18h. Mais c'est pas une heure, alors? C'est une heure. C'est une heure. Il n'y a pas des gens qui travaillent 6h, 18h. Si. Mais il n'y a pas des gens qui dorment 6h, 18h. C'est le jeu. Tu peux jeûner deux fois, 2 heures. Tu peux jeûner avec ton portable. Tu dis que je ne touche pas portable pendant 2 ans. Ça, c'est un jeûne difficile. Hein? Tu vois? Parce que le jeûne, c'est la privation des choses qui nous intéressent. Qui sont à notre goût. Qui sont donc notre ego. C'est ça, le jeûne. Tu vois ça? Tu vois? Non, quand je parle de jeûne... Je comprends très bien. Ouais. Ils sont dans l'âge. Bon, si tu veux jeûner, tu peux jeûner 3 jours sans manger, sans boire. Tu peux jeûner, commencer à 6h, tu t'arrêtes à 18h. Si tu veux entendre, non. Bon, généralement, c'est ce que les gens font. Oui, mais non, c'est comme ça. Fait généralement comme ça. Là, tu associes cela, mes règles de problème avec du péché. Et tu règles le problème, tu lis la Bible en priant tel que c'est dit. D'accord? D'accord. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi, par exemple, au milieu du jeûne, dit par exemple que mange. Il y a des gens qui ne comprennent pas cela. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je peux dire que je suis en train de jeûner, mais me voilà assis en train de manger. Et parce que je suis dans le jeûne, il prend quelque chose à le manger. Il ne peut pas comprendre. C'est faisable. Bon, ça va comme ça là. Bon, pose la question. Il y a des choses à expliquer. Hein. Il y a des choses à expliquer. Petite sœur, tu as mangé le corps aujourd'hui. Tu as mangé à checker. Tu as mangé Guara Guara. Tu as mangé Flakali. Que le Seigneur bénisse. Oui, ma sœur. Tu as bien dormi aujourd'hui. Amen. Donc, dans le sens de comment prier, comment jeûner. Oui. Dans le livre de 1 Pierre 2, verset 2, verset 5. Oui. Faites tous de vos efforts, toujours à votre fruit. Oui. L'apôtre Pierre nous invite donc de désirer le lait spirituel. S'approcher, à s'édifier. Oui. Voilà. Les recommandations. Mais ça, tu as fait l'école publique. Tu as fait l'école publique. Non. Tu parles là comme une femme de pasteur. Hein? Donc là, comment désirer, comment s'approcher, comment se diffuser. Restons au niveau du désirer. D'accord. D'abord, restons d'abord au niveau du désirer. Hier là, tu goûtais ce qu'on mangeait, c'était quoi déjà? Tifoutou. Tu as dit quoi? Tifoutou. Tifoutou. Tu as mangé ça? Foutou. Tu as dit que, yeah, alors que tu étais ici, tu as dit, il y a des gens qui ne savent pas que, parce que c'est sucré et salé. Quand ils ont goûté, ils sont tombés amoureux, n'est-ce pas? Mais c'est ce que un Pierre a dit. Un Pierre dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. La première chose à faire, c'est d'abord de savoir si lui ou non on a goûté. Parce que pour s'approcher, il faut d'abord avoir goûté. Parce que si tu n'as pas goûté, tu fais quoi? Foutou là. Tu vas rester à distance et dire, ah, c'est quoi ça? Quel est le goût? Quand notre frère il est venu au Cameroun, il a vu la sauce noire, il y a une sauce noire là-bas, on appelle ça Mbongo. C'est le charbon, hein. C'est le charbon, c'est noir. Tu vas dire, ah, tiens, tiens, tiens. Tu vas dire, c'est grâce à manger charbon. Mais il faut goûter. Quand tu vas goûter, tu vas tomber amoureux des charbons là. Tu vois? Mais il faut avoir goûté. Sinon, tu vas dire, Alors, il y a des gens qui ont goûté que le Seigneur est bon. Venez, allons voir une des personnes qui a goûté que le Seigneur est bon, d'accord? Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. À partir du verset 1, la Bible déclare. Donc, je vais répondre pour désirer là. Puis on va passer à édifier. D'accord? Verset 1, sur la Bible déclare, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Vous y êtes? Verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloué, nom qui signifie envoyer. Et Allah se lava et s'en retourna, voyant clair ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui, on disait, c'est moi. Vous avez vu ça? Vous avez vu sa réaction? C'est moi. Et il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. Vous parlez de prédication. L'homme n'a pas prêché, l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a coué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloué et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Dans le renseignement qu'il donne à ses anges, il ne sait pas qui est Jésus. Et là, en plein milieu de lui, il a grandi là. Terrible. Il menait vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Vous voyez? De nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens lui disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y a eu division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il puisse faire venir ses parents. Et il les interrogeait disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera en ce qui le concerne. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les juifs, car les juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Garde bien à l'esprit que nous parlons de désirer. C'est pourquoi ses parents disent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme parlant de Jésus, est un pécheur, c'est quand même terrible. Je ne sais pas où les hommes vont s'en sortir devant le jour où vont se retrouver devant le Seigneur. Insultant le Seigneur sur la terre, tu vois devant le trône du jugement, c'est lui qui juge. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. Tu as vu comment Désiré là? Maintenant, il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il lui répondit, je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il l'a injuré et dit, sors d'ici. Regarde-moi celui-ci, un démon, regarde-moi ses pantalons même. Et toi qui es son disciple, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que tu as parlé à Moïse, mais cet homme-là, on ne sait même pas d'où il sort, il portait les planches ici. Est-ce que tous les fous, tous les tentatives d'intimidation qu'on a fait à celui-ci, peuvent faire changer d'avis par rapport à ce que la personne de Jésus? Pourquoi? La Bible parle de l'expérience là. Si vous avez l'expérience avec le Seigneur, ça va vous pousser, cette expérience va vous pousser à grandir davantage à sa recherche. Parce que les expériences que Dieu fait à notre égard, ce sont des signes pour l'attirer, pour nous attirer vers lui. D'accord? Matthieu chapitre 11. Gardez le doigt ici dans ces gens-ci parce qu'on va y revenir dans Jean chapitre 12. Vous allez lire Matthieu là. Matthieu chapitre 11. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Amen. Vous êtes dans Matthieu chapitre 11. Amen. Nous allons lire verset 20-21. Et vous pouvez noter de verset 20-24. Vous devez lire les deux premiers versets. Dans ce Matthieu chapitre 11, le verset 20, la Bible nous donne le renseignement parce qu'à partir de cet instant-là, le Seigneur Jésus va commencer à faire des reproches à toutes les villes dans lesquelles a eu lieu parmi beaucoup de plus de ces miracles. Vous y êtes? Vous voyez? Regardez. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Donc les miracles avec une expectative, les miracles avec un but, pousser les gens à la repentance. Il a commencé à le donner maintenant. Puis il a commencé donc à dire, malheur à toi Chorazim, malheur à toi Bethesda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Vous avez vu? Puis dans le livre des Jean au chapitre 12, donc, le verset 37 nous dit, comme renseignement, que malgré tant de miracles que Jésus avait fait au milieu d'eux, il ne crut pas. Or, voici dans un miracle qui vient de se passer dans le livre des Jean au chapitre 9. La personne en qui le miracle s'est passé ne pouvait pas faire quoi que ce soit que de dire la vérité. On dit, qu'est-ce que tu dis de lui toi-même? Il dit, c'est qu'il est un prophète. Mais ceux qui n'ont pas cru, ils l'ont chassé quand même de la synagogue. Parce qu'ils l'ont reconnu pour prophète. Donc ils acceptent la guérison, ça accepte la personne qui l'a guéri. Vous voyez, mais celui-ci, le problème, c'est celui la personne-ci. La personne qui a été guérie. Cette personne qui a été guérie pour jamais ne peut rien dire, mais dit de Jésus. Parce qu'il a goûté que le Seigneur est bon. Donc, dans ce petit chapitre, dans la Bible, déclare, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante. Vous voyez, rejetez pas les hommes, mais choisis et procédez devant Dieu. Vous voyez, il dit que désirez le lait spirituel, et par lui vous croissez. Et édifiez-vous. Pour former une maison spirituelle, une habitation de Dieu en esprit. Donc ça veut dire que, remarquez très attentivement, les maisons, quand on construit des maisons, si vous jetez un coup de là sur les maisons à l'étage où on n'a pas terminé, vous allez remarquer qu'il y a des échafaudages qu'on a fait, des planches qu'on a fait partout, on met les planches dans le mur. Quand on retire ces planches, il y a des trous partout là. Ces trous doivent être comblés. Vous voyez cela? On doit perfectionner, on doit édifier. L'édifier, ça veut dire construire. Vous voyez? Maintenant, regardez très attentivement. Comment s'édifier? Disons une des façons pour s'édifier. Allons dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens. Vous y êtes. Chapitre 5. Mettez aussi Colossiens, chapitre 3. Colossiens, c'est tout juste après la croix. Donc, mettez le doigt dans ces Éphésiens, si avançons dans Philippiens, puis vous allez en Colossiens, chapitre 3. Lisons d'abord, on y revient. Non, avancez, avance pas, de par là, tu vois. Mets le doigt dans Éphésiens, parce que après, non. Tout juste après Éphésiens, il y a un livre. Après Éphésiens, il y a un livre, puis après Éphésiens, il y a un livre. Après Éphésiens, tout juste après, tout juste. Tu as Éphésiens, tu dis, ouvre le livre qui est venu d'après. Après ce livre-là, tu vas te laisser. Voilà Colossiens. Ne ferme pas Éphésiens, parce qu'on va y revenir. Colossiens, chapitre 3. Verset 15, 16. Mon frère, allons-y. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Verset 16, enfin. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Vous avez vu, n'est-ce pas? Il nous a fait chapitre 5. Chapitre 5, verset 19. Tu as encore fait, tout à l'heure tu as fermé encore, j'ai dit tout à l'heure de ne pas fermer. Touche là, c'est fusé. Oui, verset 19 et 20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Romains. Chapitre 6. Romains. Chapitre 6. Verset 12 et suivant. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à vos convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Continue. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Oui. Continue. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Loin de là. Oui. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Voilà. Là, la Bible nous fait pour comprendre en réalité qu'il y a d'abord une ligne à séparer. Il faut que chacun prenne l'engagement d'abord. Enfin, il ne faut pas qu'on se trompe. Il y a des gens qui sont chrétiens dimanche, lundi, ils sont bouddhistes. Chrétiens dimanche, samedi, ils sont des traditionnalistes. Ils font quoi? Ils font la navette dans les deux côtés. Ici, la Bible déclare qu'on ne doit pas se livrer au péché. Donc, il y a une ligne à tracer d'abord. Lorsque cette ligne est tracée, on dit qu'on souffre soi-même à Dieu. On souffre soi-même à Dieu. Que nos membres soient des instruments de justice. Parce qu'en réalité, lorsque les gens dans le monde, on s'était livré également au péché. Maintenant, quand c'est là, il faut donc entretenir ce corps-là. Entretenir, on a vu comment entretenir dans ce livre des psaumes, enfin, dans le livre, c'est plein avec les psaumes. Dans le livre des Colossiens, on a vu au chapitre 3 et Éphésiens chapitre 5. Maintenant, lisons aussi 1 Corinthiens chapitre 14. Là. 1 Corinthiens chapitre 14. Si vous notez le chapitre 14, puis vous notez aussi le chapitre 11. Verset 3 et 4. C'est toi, Icarus. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Vous voyez très bien que le simple fait de venir parler de la part de Dieu, ça fait que les gens sont édifiés. Donc, parce que les enseignements t'es bâti. Bâti pour que tu grandisses. D'accord? Chapitre 11. Verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je ne le crois en partie. Car... Donc c'est bon. Vous voyez effectivement que la propre raison met l'accent ici du fait que lorsque la réunion se passe et qu'il y a des divisions, des problèmes au milieu, les gens ne doivent pas être édifiés. C'est donc pour ça que les enseignements sont pour cadrer et pour faire que les gens mûrissent. D'accord? Disons enfin un dernier passage, Actes des Apôtres chapitre 20. Actes des Apôtres chapitre 20. Donc on s'édifie comme ça pour grandir en maturité. S'édifier, c'est grandir. Grandir, on se solidifie. On se solidifie, on bâtit. Vous avez remarqué que votre parcours, maintenant tu viens d'acheter la Bible, quand tu vas les 6 mois, si tu es assidu dans la bonne façon, tu vas voir que tu seras solide spirituellement. Tu n'as plus fait l'erreur en disant que j'avais marre. Tu vas regarder comme ça, tu vas dire que toi-même là aussi. Tu vas aller dans le miroir, tu regardes toi-même dans le miroir, toi-même tu faisais quoi comme ça? Qu'est-ce que toi-même tu faisais comme ça? Tu vois? Parce que tu dis que comment j'ai pu être ballotté comme ça? Et tu vas remarquer, vous allez remarquer que ce sont même les plus intelligents, les gens, les esprits les plus intelligents de ce siècle qui contrôlent facilement comme ça. Vous allez voir un érudit, un professeur d'université, rempli des dieux, comme ça, soit en état de s'élève aussi, il fait le même, c'est-à-dire que c'est un témoignage de Dieu. Alors que nous avons les esprits critiques, pour critiquer, nous entendons critiques littéraires, prix Nobel comme ça, de telle littérature, mais ça soit là-bas, dire c'est un Marie, mère de Dieu. Et la littérature dit clairement que la Marie, mère de Dieu, est un dogme. Donc c'est quoi? C'est que croit sans discuter. Il croit lui ça sans discuter. Chapitre 20. C'est quoi mon frère? Pourquoi tu ris comme ça là? Là, il faut critiquer, ne critique pas. Comme bien dit maintenant que Jésus-Christ est mort pour te pécher, je dis que pourquoi? Actes chapitre 20, versets 31 et 32. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. J'ai vu ça. Donc, en quittant, il recommande les personnes à Dieu, à la parole de sa grâce, que ça peut édifier, et te donner finalement ton héritage avec les sanctifiés, la parole de sa grâce. Tu vois ça? Ok, question. Oui, j'aimerais en même temps enchaîner. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un dessin pratiquement dans tout ce qui se fait à l'église catholique? Tout ce que la Bible dit, ordonne, donne des instructions et il y a toutes choses qui se font. Oui, donc la Bible dit une chose et ils font autre chose. Voilà. Par exemple, hier, dans mon témoignage, j'ai dit que j'ai eu à faire des découvertes. Oui. Pas plus tard que tout à l'heure, je vous montrais des urinoirs du Vatican. Oui. Qui sont sous forme de la Vierge Marie, c'est-à-dire c'est la Vierge Marie qui est représentée. Et à l'intérieur, on puisse la Vierge Marie, un paradoxe même. Voilà. Et puis avec, comment on appelle ça? Avec, comme je l'ai dit hier, sur les découvertes qui ont été faites par certains sites. Oui. La salle d'audience du pape. Oui. Avec des esprits démoniaques ici. Voilà. Avec un Jésus reptilien qu'on représente, oui. Sous lequel le pape assis, oui. Et il reçoit pratiquement ses hôtes. il y a aussi des sales reptiliens. Oui. Hein, des sales qui sont sous forme de serpents. Oui. Ou c'est même du Vatican. Il voit que tu vas déjà en revanche contre l'Église catholique là. Quoi ça? Tu vas déjà en revanche contre l'Église catholique. Ils t'ont fait tout du mal. J'ai l'impression que c'est des choses qu'on nous cache. J'ai l'impression qu'il y a un non-dit. Oui. Le pape Jean-Paul II qui est là, qui fait le signe 666. C'est terrible. Donc, quand tu as vu ça, ça t'a choqué? Non, c'est moi qui m'a choqué. Je me suis dit que, attends, donc pratiquement, j'ai perdu tout ce temps là. Alors que là-haut, parce que toutes les décisions qui se prennent là-haut, et ça remonte. Et c'est là où c'est pourri comme et ça. Surtout à l'Église catholique, quand tu veux te plaindre, on te fait taire. On te fait taire parce que quand la décision tombe, c'est irrévocable. Voilà. C'est irrévocable. Donc j'aimerais savoir bon, s'il y a un dessin malveillant. Pour répondre à cette question, il faut répondre d'abord, on définit d'abord vous et nous ici. C'est qu'un chrétien, parce qu'il risque de dire des propos choquants maintenant. C'est qui un chrétien? Je veux qu'on allons basique, de façon basique. Je veux que c'est toi qui me donne la définition. Basique, même si tu n'as pas lu la Bible. Non, un chrétien, c'est qui? Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Christ. Voilà. Donc, voici la définition que tout le monde peut connaître. On s'arrête à ce niveau. D'accord? Maintenant, l'Église catholique, c'est une institution. Laissons l'institution. Entrons-y. Prenons le premier prélat jusqu'au dernier, y compris les oies qui les suivent. Suivent-ils, oui ou non, les enseignements de Christ? Non. Non. Par définition, donc, que tu as donné, sont-ils des chrétiens? Je ne pense pas. Sont-ils des chrétiens? Non. Donc, je veux que tu me dises d'abord, avant que d'avant dans la Bible, dis toi-même, en tant qu'ancien catholique, que les catholiques ne sont pas des chrétiens. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. C'est bizarre, pas vrai? Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne suivent pas Christ. Parce que la définition du chrétien, c'est ceux qui suivent Christ. C'est ça. Voilà. Ils suivent ses instructions. Ils suivent ses enseignements. Alors, ça veut dire que les catholiques ne sont pas des chrétiens. Malgré qu'ils puissent targuer de faire que nous sommes des chrétiens catholiques. Nous sommes des suiveurs de Christ universel. Mais ça n'a pas de sens, pas vrai? Lisons donc maintenant. Allons d'abord dans les paroles du Seigneur Jésus-Christ, d'abord, sans toucher les commandements. Allons d'abord dans les paroles de Christ. Si quelqu'un qui se dit catholique se dit qu'il est chrétien, malgré qu'ils disent qu'on a fait fort, ou bien on les insulte, ou bien on dit quoi que ce soit, c'est quand même la vérité. Si ça blesse, ça déchire quand même son cœur, lorsque la guérison va germer, il va savoir que quand même c'est là. C'est la vérité. Donc on va aller dans la Bible. On va suivre d'abord ce que le Seigneur a dit. D'abord. On peut avancer. Jean 14. Donc arrêtez, les catholiques n'aiment pas Jésus du tout. Les catholiques, non seulement ils ne sont pas chrétiens, mais aucun catholique n'aime le Seigneur Jésus. D'accord? Les catholiques aiment l'institution catholique et le pape. Pas Jésus. On y va? Jean 14. Nous allons le verset 21 jusqu'au verset 24. C'est toi qui vas lire et puis je vais te poser des questions. Allons-y. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Stop. Avec ça maintenant, chaque fois, ce que nous allons lire, nous allons les comparer à l'Église catholique. Les gens, tous les hommes de l'Église catholique, est-ce que tu peux dire après, à partir de ces versets qu'ils aiment Jésus? Non. Voilà. Parce que la Bible, quand c'est Jésus, lui, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, oui, c'est celui-là qui m'aime. Voilà. Continue. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Oui. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Tu as vu que tous ceux qui sont dans l'Église catholique, quand le Seigneur Jésus s'est fait connaître à eux qui est de l'Église catholique, n'est-ce pas? Tu as remarqué, même les prêtres, si Jésus se fait connaître à quelqu'un, il va sortir. Parce que Jésus ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne s'obtient pas dans l'idolâtrie. Donc il dit, c'est celui qui même sera aimé de mon Père, je me ferai connaître, je me révélerai à lui. Mais le départ, c'est l'amour pour lui. C'est donc pour cela que tous ceux qui aiment la vérité sortent de l'Église catholique. Parce que l'Église catholique est une entreprise de mensonges, de sorcellerie. En fait, la Bible l'appelle le grand siège de la magie universelle. c'est son nom là-bas. Il dit bien, la Bible l'appelle le grand siège de la magie universelle. Ou mieux encore, l'autre étymologie, l'autre définition que la Bible appelle elle, c'est la grande sorcière. Remarquez bien qu'il n'y a pas dit qu'on dit, il dit la Bible. C'est choquant encore, n'est-ce pas? Donc si tu cherches la sorcellerie, va à l'église catholique. En clair, tous ceux de l'église catholique, comme toi tu initiais les gens dans la... vous appelez catéchisme. Quand un catéchiste est un sorcier ambulant qui est destiné à transmettre la sorcellerie. Parce que regarde bien que tu transmettais la sorcellerie catholique sans la Bible. Pas vrai? Tu le fais réciter Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Jésus dit que quand vous priez, priez le Père. Tu dis laissez Jésus la tranquille. Priez lui, balancez nous Ave Maria. N'est-ce pas? La grande sorcière. C'est qui distribue les nœuds. Et remarque bien que les nœuds, c'est le problème. N'est-ce pas? Lisons, verset 22. Verset 22. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Oui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Donc c'est la preuve. Donc il n'y a pas besoin de dire que non, nous récitons Jésus là-bas, nous prions notre Père là-bas. Jésus a donné ses juste qui donne les définitions comment savoir qui l'aime, qui ne l'aime pas. Si tu ne gardes pas sa parole, il veut dire qu'il ne l'aime pas. Point final. Ça, donc en fait, ça veut dire que tu ne fais même pas cas de lui. Parce qu'il dit de faire telle chose ou faire autre chose. C'est la preuve que tu ne l'aimes pas. Donc malgré qu'un catholique va dire non, j'aime le Seigneur Jésus. Jésus, Dieu est bon. Malgré qu'il dit cela, Dieu lui il dit, sa sentence c'est qu'il ne l'aime pas. C'est le jugement de Dieu ici là maintenant. Vous voyez, n'est-ce pas? On peut aller quelque part. Bon, fini là, on va quelque part. Et la parole que vous entendez n'est point de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, ça veut dire que tu désobéis à ce Seigneur Jésus, c'est que c'est terminé. Lisons Matthieu chapitre 28. Et puis là, je vais poser la question parce que c'était ta spécialité lorsque tu y étais. Matthieu 28. Chapitre 28. Oui. Lisons le verset 19 et 20. Allez. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Et voici je suis. Et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelles sont les conditions pour être baptisé à l'Église catholique? Fais la catéchèse dans 3 ans. C'est écrit où? Qui a prescrit ça? Jésus a-t-il prescrit ça? Bon, ici, il a dit, le baptême vient avant l'enseignement, mais l'enseignement vient avant le baptême, ici, dans ce verset. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mm-hmm. Et enseignez-leur à observer. Donc, le baptême vient en première position. Puis, l'enseignement. Vous faites quoi? On fait l'enseignement. Pendant combien d'années déjà? 3 ans. Avant de... Bon, on va mettre là, juste là, on va mettre. Ça, c'était le formateur des formateurs. C'est ce que j'ai réussi comme enseignement, donc. La charia avant le Dieu. Oui. Alors maintenant, voilà ce que Jésus a dit non. Donc, on peut prendre chaque parole de Jésus et les éprouver sur l'Église catholique. Chaque parole. Mais nous allons voir ce qu'ils appellent le premier pas. Et on va voir ce que lui, il a fait, d'accord? D'accord. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Lisons le verset 37 et jusqu'à 42. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres. Nous sommes d'accord qu'on parle de à Pierre là-bas. Et Pierre que dont l'Église catholique considère comme étant leur premier pape. Mm-hmm. Alors allons-y. Oh frère, que ferons-nous? Donc on a posé clairement la question à Pierre et aux autres. Que ferons-nous? Suivant la réponse du premier pape. Pierre leur dit. Suivez le catéchisme pendant 3 ans. Donc, il dit, répandez-vous. Non, c'est que tu n'as pas la bonne version. Je vais te l'expliquer, Pierre. Pierre dit, suivez le catéchisme pendant 3 ans. Soyez assidus au cours des catéchèses et surtout venez à la messe. Puis cherchez le parrain, verset 39. Cherchez le parrain, les habits blancs, en organisant les fêtes des baptêmes. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas, le premier pape? Non, c'est parce que c'est la Bible. Alors, ça ne mensonge pas. Alors, voici donc même l'une des prises pour montrer que l'Église catholique, c'est une institution de mensonges. Parce que sa propre loi dit que les décisions prises ex cathedra par le pape, par l'évêque de Rome sont irrévocables. Inchangeables. Et ça, c'est un dogme. C'est un dogme, c'est le conseil de la Trente qu'il a dit en 1500. C'est la doctrine du conseil de la Trente. Maintenant, voici le premier pape qui donne la première façon d'agir. Ça ne devrait pas changer en principe. Vous voyez? Donc, l'Église catholique ment et ment même à elle-même. Parce qu'elle dit que le premier pape, c'est l'apôtre Pierre. Et le principe dit que quand un pape parle, on ne peut pas changer. Voici le premier pape donc qui a parlé. Le premier pape, soi-disant, n'est-ce pas? Il dit, maintenant, verset 38, quand on a posé la question à l'apôtre Pierre, il dit, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour entrer? Il a dit quoi? Première chose. Portez-vous. Est-ce que vous dites ça déjà aux enfants? On me donne le coup. Qui était Abraham? Combien de tribus à Israël? N'est-ce pas? Quand il ne veut pas tourner, vous mettez même les réponses au tableau que vous trouvez. Parce qu'il faut que tout le monde monte. Alors, y a-t-il catéchèse dans ce verset? Dans la réponse? Il n'y a pas de catéchèse. Parrain? Non. Changement de nom des enfants? Non. Habit des baptêmes? Non. Nécessité des baptistères? Non. Les offrandes pour les enfants, pour les contributions pour le baptême? Non. Mais suis-ce qu'il lui dit? Allons-y, premier pas. Et ça, c'est infaillible et irrévocable. Allons-y. C'est ça. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Oui. Pour le pardon de vos péchés, oui. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, il a dit clairement ce qu'il faut faire. Parce qu'on a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il leur a dit ce qu'il faut faire. Ça, ce qu'il a dit qu'il faut faire, c'est infaillible. Il ne doit pas changer cela. Et comme ce n'est pas changé cela, et comme c'est le premier modèle, c'est ce modèle qui doit être suivi jusqu'à la fin. Continuons. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Continuez. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait. De ne pas manquer à la catéchèse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Oui. Ceux qui acceptaient sa parole s'inscrivent sur la liste de l'Église. Furent baptisés. Hein? Donc, ceux qui ont accepté n'ont pas pris le coup de baptême. Alors maintenant, si on pose la question, j'ai que ceux-ci qui écoutaient la prédication, ils ont dit que ferons-nous donc? Ça veut dire clairement qu'ils ne savaient pas de quoi il était question. C'est ça. Mais l'Église catholique et les autres acolytes de ses filles et de ses fillettes disent que non, il faut quand même que quelqu'un ait un cours d'initiation chrétien de base. Pendant 3 ans pour les autres, donc ça, il faut qu'il ait la licence en baptême. Quand il finit maintenant, pour on les apprend pour qu'ils sachent où ils s'engagent. Ceux-ci ne savaient pas vraiment exactement ce qu'il faut faire. Puis il leur a dit cela, répandez-vous. Puis il dit que chacun soit baptisé. Il dit alors ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Oui, oui. Et en ce jour-là, souligne ce jour. Souligne, en tous ces jours. Tu as vu? On n'a pas dit en 16 jours, parce que si on a dit en 16 jours, on pourrait dire que c'est une période. C'est ce jour est au singulier. On va dire que c'est le même jour que ça s'est passé. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 ans. Tu as vu ça? C'est ça, 3000 ans. 3000 ans. Maintenant, remarque bien maintenant, je prends ceci parce que nous voulons voir que ceux qui acceptent Jésus, au mieux, ceux qui suivent Jésus et ceux qui aiment Jésus marchent d'après ses voies. Matthieu 28, on a lu que Jésus leur a dit, et Pierre était présent avec les autres disciples, ils étaient présents. Il leur a donné une instruction qu'à l'effet des nations des disciples, les baptisant et enseigner. On voit effectivement ici que la première fois, la première prédication, ils ont respecté cet ordre-là. Et l'ordre sera toujours comme ça chaque fois qu'ils vont respecter. Quand il a prêché chez Corneille, ça au moins tu connais, au chapitre 10, quand il a prêché Corneille, quand le Saint-Esprit descend, parle, il a dit peut-on refuser l'eau du baptême, ceux qui ont reçu même l'Esprit comme nous, comme commencement, il ordonna qu'il fût baptisé. Tu as vu ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas de parrain dans la Bible, c'est la sorcellerie. Donc, voici la porte, voici le début, je pense seulement cela. Voici l'aspect du début de la vie chrétienne. Croire au Seigneur Jésus-Christ et être baptisé. Le début, les catholiques ont forcé tout cela. Le début pour entrer, pour être chrétien, ils ont faussé. Pour s'adresser à Dieu, quand on est dans la tristesse, ils ont faussé. Donc l'église catholique, c'est la grande pierre d'achoppement pour faire tomber les gens dans le rocher. Mais ils savent, ça dessine. Ils savent à dessin. J'arrive au niveau, à ce niveau-là. J'arrive parce que tu vas voir ce qu'elle dit là-dedans, là-dedans dans la Bible. Il faut d'abord qu'on voit d'abord les premières choses, c'est qu'ils sont d'abord désobéissants donc, et n'aiment pas Jésus. Il faut que cette base-là soit mise d'abord pour qu'on comprenne qu'ils sont le voleur. D'accord? Bon. Avant qu'on ne développe, est-ce que tu sais que le Vatican est un État? Oui, je sais. Avec sa propre monnaie. Vous savez ça? Non. Avec ses attributs, son drapeau. Nous sommes d'accord. Il a les ambassades dans les pays, envoie les émissaires partout. Je veux que tu me montres dans la Bible. Je ne parle pas de la structure. Cette façon de faire, les ambassades, l'ambassadeur de Pierre, le premier pas, auprès de Rome, c'est qui? Oui, l'hymne national du premier pape, c'est quoi? Quand le Vatican arrive quelque part, on le reçoit comme chef de l'État du Vatican. Il s'assoit, on lui donne les honneurs militaires, on chante l'hymne national du pays accueillant l'hymne national du Vatican. Donc le Vatican, son hymne national. C'est ça? Non. On met son drapeau. Oui, c'est s'il y a un drapeau, il y a une ligne correspondant à ce drapeau. N'est-ce pas, mon cher? Ça, ce sont les armoiries et les attributs de la Bible. Jésus, devant Pilate, a dit que son royaume est haut. N'est pas de ce. Le royaume du Vatican est haut. Maintenant, suis attentivement ce qu'il veut dire. Matthieu, chapitre 4. À partir du verset 1, chapitre 4, jusqu'à alors, oui. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Stop. Tu as vu ça? Tu as dit tout à l'heure que Jésus a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Et à juste titre, Satan lui a présenté certains royaumes de cette terre-ci. Quand Satan l'a élevé sur une très haute montagne, il lui a présenté certains royaumes de cette terre-ci. Non. Comment? Tous les royaumes. Souligne tous les royaumes et leur gloire. Ouais. Il lui montra tous les royaumes de ce monde et leur gloire. Voilà. Et a dit à Jésus, notre Seigneur, de se prosterner et il va donner ce royaume-là et cette gloire-là, n'est-ce pas? Mmh. Alors maintenant, le royaume du Vatican. Si sa gloire de qui? Nous avons un principe. Jésus a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Deuxième principe, Satan lui a présenté tous les royaumes de ce monde-ci avec leur gloire. Et le Vatican qui est censé être entre guillemets l'église se trouve en plein dans ce royaume. Et, et nous voyons cette gloire, l'expression du luxe de la terre se trouve là-bas. C'est ça. Nous sommes d'accord? L'or. Les pierres précieuses du monde se trouvent enfermées là-bas. Les grands mystères de tout ce monde-ci entier se trouvent là-bas, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ok, je pose la question. Cette gloire-là, il l'obtient de qui? De Jésus ou bien de Lucifer? Donc on peut dire, sans risque de se tromper, que le Vatican c'est le diable, même si c'est la base de verset. On peut dire sans risque de se tromper, même en fermant la Bible, le verset 8 du chapitre 4 de Matthieu nous dit clairement que le Vatican c'est le diable. Parce que son royaume est établi en plein dans ce monde-ci. Et non seulement cela, pour montrer que l'expression de sa gloire est au-dessus de toutes les autres gloires de ce même royaume-ci, de ce monde-ci, les rois de la terre se prosternent devant elle. Les rois de la terre qui ont les fusils, les bombes atomiques, les bombes à défragmentation se prosternent devant elle qui a seulement la parole. Ça devrait vous faire réfléchir. Je ne sais pas si tu comprends. Je dis bien, il n'a pas de fusil, il n'a pas de missiles sol-air, il n'a pas de base aérienne pour les militaires. Il a le corps blanc. Le corps blanc, ils sont là, il fait comme ça, il fait un spiritus sanctus. Mais on ne le tente pas. Même Hitler, qui était le plus virulent, a dû faire alliance avec lui. Hitler. Pour qu'il donne les bénédictions à Hitler, pour qu'il le part pour tuer les juifs. Ça vous servit ça? Il a dû prier même sur les armes qu'il les devrait utiliser. Avant que Jorah Kabouch ne parte en Irak, il est allé faire une tête à tête avec lui. Il s'assoit sur le bureau, c'est face à face, il cause. Avant que Obama ne lance l'assaut de l'autre côté, là, il part face à face, il cause. Avant que Sarkozy ne parte en Libye pour faire telle chose, ils ont causé face à face. Ils partent chercher quoi là-bas. Lisons la Bible, Apocalypse. Ne te fâche pas, mon frère, d'accord? Non, c'est pas fâché. Chapitre 17. Donc, nous venons de voir, 1. Les catholiques n'aiment pas Jésus. 2. Désobéir à ses commandements. 3. Ferme les portes d'entrée pour que ceux qui doivent devenir chrétiens ne deviennent pas. Ceux qui doivent s'adresser à Dieu ne puissent pas s'adresser. Nous avons vu cela. En lisant Matthieu chapitre 28, verset 18 et 19, nous avons vu que Jésus a dit que la personne dont on va baptiser, et c'est le premier chrétien, porte d'entrée. Et nous avons vu que dans le truc de la prière, nous avons vu que les gens, ils font rester déjà Ave Maria, alors que Jésus, lui, il a dit, on prie le Père qui est dans le secret. Vous voyez? Donc il ferme la porte d'entrée pour devenir chrétien, la porte d'entrée pour devenir pour parler à Dieu de la bonne façon. Avant de faire cela, avant de l'aider dans le monde, pendant que je lui dis, je me parle d'un verset dans mon cœur, allons dans le Matthieu 23. Regarde Apocalypse chapitre 17, si là. Regarde ça, voilà ce que ça dit. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. C'est hier. Yeah. Tout le monde dit hier. Yeah. Regardez. Verset 13. Lis-nous ça à haute voix, mon cher. Verset 13. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Oui. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrerez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Tu as vu. Pendant que tu n'en es pas de ces choses, j'entends ce verset, ça ne fait que venir dans mon esprit. Tu as vu. Il n'entre pas. Il ferme la route à la joie aux gens d'entrer. Entre dans notre apocalypse. Lis à partir du verset 1. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Prends ceci, souligne grande prostituée. Puis tu mets la peinture là, le fait là sur grandes eaux. Donc, tu vois, on dit, il dit ici qu'il va descendre la parole en disant: tiens, je te montrerai le jugement. Ça veut dire ce qui va arriver à la prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc, ce qu'il a de vouloir montrer, c'est la fin de cette prostituée. C'est une grande prostituée. Une grande prostituée. Quand on parle de prostituée, on parle d'une femme. Ouais. Et c'est en image ici. Mm-hmm. Si c'est en image, l'église représente une femme. dans la connotation biblique, d'accord, l'Église, la nation, bien l'Israël, ainsi de suite, mais l'Église. Mais quand elle est prostituée, ça suppose que c'est quelqu'un qui ne suit pas la parole. D'accord? Voilà. Maintenant, on dit qu'elle est assise, elle, cette église-là, est assise sur les grandes eaux. Et il faut maintenant qu'on définisse ce que c'est que les grandes eaux. Je vais définir ce que c'est que grande prostituée. Parce qu'elle est prostituée parce que quand Dieu va utiliser dans le livre des Osées, dont Dieu est venu aujourd'hui, le fait que Israël se prostitue à d'autres dieux, se prostitue, d'accord. Voilà, ça veut dire que c'est l'abandon de la voie droite, pour se compromettre. Alors, il faut qu'on définisse ce que c'est que les grandes eaux. D'abord, avant qu'on avance, tu penses que grandes eaux peut vouloir dire quoi? Quand tu entends grandes eaux. Des Sidon. Allons-y, le verset 15. Lis le verset 15. Verset 15. Et il me dit, les grandes eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Regarde-moi. Tu as vu que si on demandait à quelqu'un de définir, personne ne pourra définir, chacun donnera sa définition. Mais Dieu me sait que la Bible a défini pour que ça soit le peu plus clair pour tout le monde. Alors je veux que tu me dises maintenant. On a convenu que la prostituée, une grande prostituée, c'est qui? On n'a pas dit prostituée. Parce qu'une prostituée, c'est quelqu'un qui est déréglé. C'est ça. Une femme qui est déréglée. Mais on dit grande pour montrer son immensité. C'est ça. Sa grandeur, son influence, sa sphère d'influence. Dites-moi, quelle est l'église qui domine sur le peuple? Des langues et des nations. Je veux que tu me donnes un nom. Il n'y a pas deux, pas vrai? Donc on commence à l'identifier comme étant la grande prostituée. Ce n'est que le début. D'accord? Parce que c'est la seule. Dans l'Apocalypse chapitre 17, il est question d'une église apostate. Et dans cet apocalypse-ci, on dit clairement qu'elle est assise sur les grandes eaux. D'autres personnes disent non, il s'agit là des musulmans. Ça n'a rien à voir avec l'islam ici. L'islam ne domine pas sur toute la terre. Ils ne dominent pas sur toutes les nations, toutes les choses. Parce que la suite nous dit le contraire. On y va? Ok. Parce que tu as posé la question, est-ce que ça descend? Est-ce qu'ils sont au courant? Ils savent. Tu vas voir maintenant qu'ils savent. Satan sait qu'il est Satan. Bien sûr. Voilà. Verset 2, on va voir maintenant. Verset 2, chapitre 17. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Dans la fornication. Donc, les rois de la terre vont vers la divinité que l'Église catholique sert pour forniquer avec eux. Donc, c'est elle qui a poussé les gens dans la idolâtrie. Voilà ce qui est écrit en noir et blanc. On dit c'est avec elle, la grande prostituée, que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Tu vois cela? L'impudicité, maintenant, regardons sur le plan physique, plan physiologique. L'impudicité, c'est un homme qui n'est pas marié, qui va avec quelqu'un qui pour aller coucher avec elle. N'est-ce pas? Alors, normalement, si elle est une prostituée, ça se pose comme ça pour des salaires. Elle fait comme une commerce. Si elle était mariée, on l'appellerait adultéresse. N'est-ce pas? Mais on dit que c'est une loi de la terre, si on n'a pas dit qu'elle commet de l'adultère. Tu vois? On n'a pas dit que ces rois de la terre commettent l'adultère. On a dit qu'ils commettent quoi? L'impudicité. Donc les rois de la terre, d'abord eux-mêmes, sont dans le royaume satanique. Ils partent là-bas pour se ressourcer de temps en temps avec les. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne sont pas mariés. C'est pas ce que c'est ici. On dit que c'est avec elle que les rois de la terre. Donc ça veut dire qu'elle enseigne aux rois de la terre à commettre la fornication. Donc si vous voulez avoir n'importe quelle discussion, chacun se sent libre là-bas. Tu es dit, c'est pour ça qu'on parle de l'université catholique ou bien l'église universelle. Ça admet tout le monde. Tu sois bouddhiste, on ne cherche personne là-bas. Tu peux venir là-bas aller être fétiché, ou tu peux aller marabout, tu viens prendre la messe. Ça ne dérange personne. Tu as vu ça, mon cher? Tu peux être franc-maçon, rosicrucien, ou tu t'assois là-bas, avec tes pistes là, ça ne dérange personne. On peut avancer. Avançons, verset 3. Verset 3. Et remarque bien que, on dit. Dans le verset de Dieu, c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc cette chose-là, cette chose infectieuse, elle touche les états. il souille la tête de l'État. Et par conséquent, c'est toute la même pionté qui peut être donnée partout. L'État peut donner les vastes territoires à cette impudicité, avec, à cette prostituée, pour qu'elle puisse étendre ses, quoi, sa saleté partout. Il n'y a pas de thèse sur la... Ici, même en Arabie Saoudite, l'Église catholique est établie. N'est-ce pas, mon cher? C'est un problème. C'est un problème, n'est-ce pas? Verset 3. Il me transporta en Asie dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Sur une bête écarlate. Pleine de nom. De blasphème. Il faut qu'on aille doucement. Là, il ne faut pas lire rapidement. On dit que cette femme est portée par une bête. Vous voyez? Et en lisant le livre de Daniel, dans l'interprétation biblique, on voit effectivement qu'une bête, c'est une puissance politique, une puissance étatique. Donc, une fois de plus, c'est une femme qui est censée être l'Église, qui a le pouvoir politique. Une femme portée par une voix politique, une femme dans la politique, une femme dans l'État, dans la puissance de l'État. Tu vois? Et on dit écarlate. Donc, même l'habillement qu'il porte là-bas, dans cet État-là, on le montre. Donc, dans leur puissance politique, on voit comment ils s'habillent. Écarlate, plein de noms de blasphèmes. Alors, maintenant, tu commences à mettre Saint-Père. Tu as vu cela? Tu attends le nom, n'est-ce pas? Saint-Père, vicaire, fils de Dieu. Vicaire Filii Dei. Nous sommes les remplaçants. Le pape tient sur la terre la place de Dieu. Et ça active votre. À juste titre que la Bible l'appelle porte de Dieu, Babel, Babylone, la porte de Dieu, où les divinités passent dans l'esprit. Quand on quitte le deuxième ciel, ou venu sur la terre, l'autorisation est demandée, c'est au pas que ça passe. Pas étonnant qu'il contrôle avec sa langue des dragons, il contrôle tous les rois de la terre qui ont les bombes atomiques. Et ce n'est pas maintenant, ce n'est pas quelque chose de maintenant. C'est depuis le 12e siècle, depuis le premier siècle, les Napoléons et autres avaient peur du pape. Parce qu'on savait qu'ils pouvaient défaire et faire des rois. Et ils avaient mis le pouvoir du pape au-dessus du pouvoir des rois, au point où ils pouvaient déposer des rois. Parce qu'il a donné les anathèmes. Quand il disait que quand tu étais anathème, ça dit que ta place est barrée au paradis. Puisqu'il a les clés de pied, puis tu es fermé la porte du paradis. Le pape dit que le roi dit que je suis mort, le pape m'a anathémisé. Remarquez comment quelqu'un, les Napoléons avec les lions, tous ceux-là qui avaient des rois, qui avaient des royaumes, des guerriers puissants, quand le pape disait que si tu ne te répands pas, je t'anathémise, que j'ai le but rouge entre les mains, il va t'écrire anathème le roi de France. Hein? Anathème le roi de France, si tu ne laisses pas la femme là. Ah non, madame, pas. Le pape va m'anathémiser. Anathémiser, ça veut dire qu'il te donne une maladie. La bulle papa te sort des anathèmes sur toi. Donc, si tu meurs dans la conscience que tu ta place au paradis, que c'est fini comme ça, que l'enfer est réservé pour toi. J'avais peur de pape à cause de cela. Parce qu'il te sort le texte biblique clairement qu'il a sur la clé, sur la terre, la clé de pierre. Il ferme la sœur à qui il veut, il ouvre à qui il veut. Tu dis, hein, toi, oui, c'est ce que je me soumets. Donc c'est ce qui explique un peu le, on appelle ça, le phénomène de l'écuménisme. Justement. L'écuménisme, c'est ces grandes religions-là, qui, le fait de se réunir. En fait, là, c'est un autre aspect là. Parce qu'ils avaient fait une grande religion, mais la paix. Non, pour la paix, pour le prier pour la paix en l'an 2000. C'est une des choses prémises que l'apôtre Jean-Paul II a prémis sur place, que ces deux suivants sont des faits. C'est un autre aspect du nouveau ordre mondial dont j'ai parlé dans Sophonie chapitre 3. Ça se trouve là-bas. Donc il y a l'aspect du nouveau ordre mondial qui sera réuni sur le plan politique, sur le plan religieux. Le but de cela, c'est pour réunir toutes les religions. En fait, toutes les religions en mystère et toutes les religions qu'on a sur la terre sortent de là. Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, que l'Église catholique n'a pas son origine dans la chrétienté. Le vrai problème, c'est ça. L'Église catholique n'a pas son origine dans la chrétienté, mais dans l'antique Mésopotamie. Donc, c'est la continuation du culte des Bêtes. Tu vois cela, dont tu as parlé de Nimrod. D'accord, mon cher? Ça, c'est notre père de manche là maintenant. Courage, d'accord? Mieux, disons ici. Donc, il était monté sur une bête écarlate, plein de noms de blasphèmes, ayant sept têtes et 10 cornes. Maintenant, tu as dit que tu avais le. Ça, c'est au verset 9. Nous sommes au verset combien là? Ok, continuons, lisons. Cette femme était vêtue de peau et de calaxe. Tu as entendu cela? Tu connais ces couleurs, n'est-ce pas? Comment l'Église catholique c'est forte. Oui, continue. De pourpre et d'écarlate, et paré d'or, de pierres précieuses et de perles. Tu entends ça? Donc on a donné la description, même le luxe dans lequel elle s'est vautrée. Continuons. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Stop. Je veux que tu me donnes la seule. Enfin, tous les points convergent toujours vers elle. C'est la seule qui célèbre votre truc là, la messe avec une coupe. Ouais. Et une coupe en or. On dit quoi? Maintenant, la coupe en or est comment? Lis là. Et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Mmh. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Dans le verset 4, la partie, dernière partie nous dit clairement le Dieu de l'Église catholique. Donc, s'il y a ce que tu peux retenir, tous les catholiques peuvent retenir, c'est que ce que vous prenez de la coupe, ce qui sort de la coupe, se trouve être le représentant, la représentation de la divinité qu'elle sert. Mais le problème maintenant, c'est que si l'Église catholique se présente devant vous en disant que nous servons le Dieu soleil, tout le monde fuira de là. Si toi, tu entends qu'il c'est le Dieu soleil, tu passeras même par là encore. C'est que même avec ta main, tu iras sortir ton père de là-bas. Pas vrai? Mais maintenant, quand il présente le Christ, le soleil. Alors, comme c'est Christ, Christ est lumière. Il ne faut pas qu'il dise que c'est le Dieu soleil qui est lumière. Il faut qu'il mette Christ là devant pour que tu parles. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est devenu la marque de publicité qu'on peut faire bon marché. Pour que les entreprises marchent. Si tu passes quelque part là-bas, les marabouts disent que Satan prend, ce sera te protéger. La puissance vient de Satan. Tu achèteras. Ouais. Les pasteurs là, s'ils viennent te dire, tu as dit que tu as acheté le stylo là-bas à 10 000. C'est parce qu'il a dit que le Seigneur, la puissance du Saint-Esprit est dedans, non? Mm-hmm. S'ils ont la puissance de Bézébé, à cet instant, tu sors là, non? Voilà. Il faut qu'ils prennent ce qui est. Parce qu'en réalité, même Satan sait que ce qui est bon, c'est de Dieu. Ils savent. Les marabouts savent que ce qui est bon, c'est des dieux. Même c'est pour ça que même le marabout va dire que non. La puissance vient de Dieu. Personne parmi les dieux, ça vient de Satan. Mais Dieu lui dit dans la Bible que ne vous approchez pas des magiciens. Parce que ce qu'on sacrifie là, ça vient des démons. S'il dit un grand féticheur rempli de démons vous délivre de ceci. Même un autre féticheur ne partirait pas là-bas. Pour qu'il dise que. Pour qu'il ait des gens qui viennent. Même si quelqu'un sait que le marabout ne vient pas de Satan, il faut au moins qu'on lui dise qu'il travaille avec Dieu. Donc Dieu dont il parle, c'est Satan dont il est question. Parce que Dieu ne travaillera pas avec lui. D'accord? Alors maintenant, ici, s'il y a quelque chose à retenir, c'est ceci. Il dit qu'elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie. Donc, on dit la coupe, la nature de la coupe. Et on dit que ce n'est qu'une seule coupe. Puis on dit que remplie. Donc, ça veut dire que c'est chargé à l'intérieur de quelque chose. On dit rempli d'impurité de sa abomination. Donc, ça veut dire que ce qui prend dans la coupe, c'est la seule. Alors maintenant, la question maintenant, c'est pourquoi le Saint-Esprit donne ce détail-ci? C'est parce qu'en réalité, l'Église catholique centralise le culte ou bien la messe autour de cet objet-là. Oui, c'est la plus grande. Sur le sommet. Tous les autres choses peuvent manquer dans la messe. L'autre là ne doit pas manquer. Il peut oublier de lire ou bien laisser de lire la liturgie au cas où c'est des questions. C'est pour ça que quand quelqu'un veut mourir, il vient. Tout ce qu'on fait là, c'est pas. C'est ceci. C'est ça qui est important. Tu as remarqué? Pour être sûr que chacun communie avec le démon dont l'apôtre Paul a parlé dans Jean 1 Corinthiens chapitre 10. C'est comme sacrifier au démon. Je ne veux pas que vous soyez pas avec le démon. Alors maintenant, allons dans le livre de Matthieu chapitre 26, lis quelque chose avant de revenir. Mets le doigt ici. Tu vas comprendre pourquoi c'est important. Très important. Tu vas entendre, mais plus tard tu vas écouter encore, tu vas comprendre, ça vient encore. Qu'est-ce que le Junior racontait là? C'est là maintenant tu m'entends. Matthieu. Chapitre 26. Oui. Lis à partir du verset 26 toi-même, jusqu'au verset 29. Quand tu vas finir le livre, tu poses la question. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ça, c'est le souper du Seigneur ici. Je veux que tu m'expliques ce que tu veux lire. Ça, c'est la Bible. Oui. La différence qu'il y a entre ceci et le summum de la messe catholique. Enfin, tout à l'heure, messe même d'abord veut dire magie, n'est-ce pas? Voilà. Lorsque l'Église catholique célèbre cette chose-ci, quelle est la différence entre ce qu'elle fait et ce que Jésus a fait, notre Seigneur ici? Je veux que tu me retraces les différences. Pasteur, donne-moi le verre qui est derrière là. C'est le pain qui est derrière là-haut. C'est le pain là. Bon, donne-moi la goutte là. Donc, voici la coupe. Voilà le pain. Je vais donc que tu me montres ce que Jésus a fait, puis tu me montres ce que les catholiques font. Ce qui nous a amené ici, c'est Apocalypse chapitre 17, verset 4. Mm-hmm. Parce qu'on a dit qu'elle tenait entre ses mains la coupe d'or remplie de ses abominations. Mm-hmm. Explique-moi ce que tu viens de lire, ce que la Bible dit que Jésus a fait. Et on va voir ce que les catholiques font. Bon, ici on dit que Jésus a pris du pain. Fais un prénom. Donc il a pris du pain. Oui. Et après avoir rendu grâce. Rends grâce. Seigneur, te disons merci pour ce pain que tu nous offres. Il le rompt. Oui. Donc, il rompt. Il rompt le pain. Oui. Et il la leur donna. Non. Il le rompit et donna aux disciples oui. en disant, prenez et mangez ceci est mon corps. On n'a pas d'ouvrir. Continuons. Non, il n'y a pas de problème. Laisse-le tranquille. C'est naturel, c'est bon. Il prit ensuite une coupe. Allons-y. Oui. Après avoir rendu grâce, oui. Seigneur, te rendons grâce pour cette coupe. Oui. Il la leur donna en disant, buvez-en tous. Donc, tu es ici, n'est pas d'ici. Car ceci est mon sang, oui. le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Voilà, c'est bon. Maintenant, non, c'est bon. Dépose encore les deux ici. Ça, nous venons de mimer ce que la Bible dit. C'est ça. Et tu as fait exactement ce que Jésus a dit. Maintenant, fais pour les catholiques. Allons-y. Bon, les paroles ne sont pas les mêmes. Non, laisse les paroles. Allons-y, fais l'action, il n'y a pas de problème. On y lève la coupe. C'est où la coupe? Il prend le pain. Le catholique, hein? Oui, on prend le pain. Oui. Ah, non, là, laissez le faire, c'est un catéchisme, c'est un formateur. C'est le pain, on prend le pain. Oui. Le prêtre fait une prière. Oui. Il lève. Oui. Pendant ce temps, tout le monde dans la salle. Se met à genoux. Oui. Suivez le dernier fois vraiment. Il se met à genoux. Oui. Et puis il dit ceci. Bon. Ceci est mon corps. Oui. Prenez et mangez. Oui. Et puis on répète, Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir. Non, c'est pas ça. Oui. Mm-hmm. Non, passe là-dessus. Continue. Mm-hmm. Après d'avoir répété ces paroles, oui. voilà, donc il élève le pain. Oui. Tout le monde regarde le pain pendant que certains sont à genoux. Oui. Les déposent, oui. on fait une inclinaison. Oui. C'est-à-dire, on adore, voilà, on adore le pain. Voilà, on adore le pain. Puisqu'on oui. fait, on appelle ça l'hostie. Voilà, l'hostie. Puisque après la prière, Christ est transformé. Voilà. Entre voilà. totalement dans ce corps. Voilà, c'est la doctrine de la transubstantiation. Voilà. Au concile de la croix. Voilà. Mm-hmm. Donc on adore. Et puis après, on prend la coupe. Oui. Fait une prière. Non, stop. Dans la coupe, il y a quoi? Il y a du vin. Seulement. On met du vin avec un peu d'eau oui. à l'intérieur. Et quoi encore? Avec, on coupe un peu de pain, une partie de l'hostie, transformé. On met dans le pain. Pourquoi? C'est ce que Jésus a fait là, non? Jésus a fait la même chose. Non. C'est ça pour que tu vois qu'il y a un problème. C'est ça. Mm-hmm, continuons. Donc, il prend le vin. Oui. Il met un peu de. Le pain, oui. met un peu d'eau, oui. il élève la coupe, oui. on fait le même geste, oui. on s'incline, on fait une adoration, mm-hmm. puisque c'est le sang du Christ qui est là, oui. donc c'est le Christ même qui est là aussi. Maintenant, explique-nous comment est-ce qu'on partage cela. Ça dépend. Oui. Si c'est une messe oui. où il n'y a pas assez d'hommes, pour le partage, oui. on reçoit le pain oui. et on reçoit le vin. Oui. Si c'est une cérémonie de baptême, par exemple, oui. pour le partage, oui. les baptisés spécialement oui. reçoivent le pain et après reçoivent le vin. Oui. Mais si c'est une grande cérémonie oui. ordinaire, oui. simplement le prêtre oui. lui boit le pain et le vin. C'est-à-dire qu'il mange du pain, il boit le vin oui. et au fidèle, il lui donne simplement le pain. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit que dans l'hostie, oui. qui est Jésus, oui. où Jésus est venu habiter totalement, oui. Jésus entier, donc... Il y a même son sang aussi là-dedans. Oui, il y a son sang là-dedans. Donc Jésus entier, donc il y a le pain. Bon, lui boit le vin là, le vin qu'il boit là, c'est quoi ? Bon, c'est le sang. Donc il décide de donner l'autre sang, il y a le sang dans l'hostie là. N'est-ce pas, Yves? Voilà. Arrange-y maintenant, prends la coupe. Qu'est-ce qu'on fait souvent comme ça? Comment ça dit? Qu'est-ce qu'on prend là, à l'intérieur, pour donner ce qu'on a dans la bouche des gens? C'est le pain. Mais tu n'as pas expliqué cela. Je veux que tu m'expliques comment ça fait pour se trouver là-dedans. Et quelle forme cela a? L'hostie? Oui. Non, l'hostie, c'est fabriqué. Oui. Sans le vin, quelle forme ça a des. C'est, en fait, ça a la forme d'une pièce d'argent. Circulaire, non? Circulaire, voilà, en blanc. Le grand hostie a quelle forme? Bon, lui, il est un peu plus grand. Forme circulaire aussi. Circulaire, c'est ça qu'il veut entendre. C'est justement, parce que c'est la Bible qui parle. C'est ça, forme circulaire. Et il y a un hôtel destiné à l'hostie, n'est-ce pas? C'est ça. Le haut, tabernacle. Un tabernacle. De toute façon, c'est prostène là-dessus. C'est ça. N'est-ce pas? Bon, prenons la coupe. Lorsque le prêtre, les gens se mettent en ligne, il tient quelque chose entre les mains, ou bien quelqu'un tient ça pour lui. Il prend, il fait quoi comme ça là? Il met dans la bouche. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il prend, il fait comme ça là. Il met dans la bouche, il prend, il met dans la bouche. Qu'est-ce qu'il fait? Il distribue quoi? Le pain. Ça se trouve où? Dans une coupe. Ça peut être dans une coupe, mais ça peut être dans une coupe. Pourquoi il mélange cette chose là dans le vin? Pourquoi il mélange cette coupe là? Il prend cela pour mettre dans la bouche. Pourquoi? Jésus a-t-il mélangé le pain avec la coupe? Non. Alors la question c'est, l'Église catholique suit quel modèle? Il n'y a pas de la Bible. Comment mon frère? Il n'y a pas de la Bible. Pas la Bible, n'est-ce pas? Rentrons dans l'Apocalypse chapitre 17 encore. Oui. Verset 4. Verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Oui. Elle tenait dans sa main oui. une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Ah oui. Donc, on dit remplie d'abominations. Donc, il y a des abominations dans cette coupe-là. Quelle est la tient entre ses mains? C'est ce que la Bible déclare là-bas. Cette coupe-là est remplie d'abominations. Donc, quelque chose se trouve là-bas parce qu'en fait, ils disent avec le mensonge que ce qui est à l'intérieur, c'est le sang. Mmh. Que le prêtre a le pouvoir, lorsqu'il dit les prières sur ça, ça se transforme. La Bible appelle ça abomination. Parce que Dieu n'a. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la haute magie là-bas. Parce que jamais, même Jésus lui-même qui a dit ça ici, il a dit que c'est en substitution, c'est en remplacement. C'est ainsi pour montrer que. Même l'apôtre Paul n'a pas dit cela. L'apôtre Pierre n'en a pas dit. C'est à la 30 donc, en 15 ans, qu'on a commencé à sortir des choses comme ça. Tu vois ça? Donc on dit que cette coupe-là est remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc, dans la coupe se trouve la divinité qu'elle sert. La divinité auquel, qui est derrière l'Église catholique. C'est pour ça que toutes les statuettes des il y a toujours les auréoles autour de tout. Saint-Sacrement. On appelle ça Saint? Sacrement. Saint-Sacrement. Tu as vu ça, n'est-ce pas? Et ça, c'est le soleil. Ouais, ça, les rayons. Les rayons, c'est le seul lumineux, n'est-ce pas? Il y a une grande hostie. Alors, donc voilà le Dieu que les catholiques servent. D'où vient-il donc les prêtres qui font cela? Ou dites-vous répétez que je ne suis pas digne d'approcher là-bas et tu dis que les prêtres là vivent avec les femmes d'autrui, avec les enfants d'autrui, ainsi de suite. D'autres, la majorité sont pédophiles, juste parce que c'est quand la pédophilie ou bien quand quelqu'un a porté plainte d'un enfant, s'est dénoncé, qu'on voit que tel prêtre était pédophile, alors qu'il a fait ça depuis longtemps. Et il fait ça chaque jour, c'est de la messe. Et la Bible déclare que c'est pour ce qui est de la table du Seigneur que chacun se juge pour s'approcher là-bas. C'est pas la table du Seigneur, si c'était la table du Seigneur, il serait mort depuis. C'est pas ça le rituel satanique. Et c'est le Dieu satanique, c'est pour comme c'est comme ça. C'est le Dieu satanique normalement s'octroie et les puissants s'octroient davantage en faisant des choses contre nature. Et par conséquent, les orgies sexuelles. C'est donc pour ça qu'ils vont aller vers les femmes de puits pour pouvoir puiser davantage d'énergie. Sachant que quand il y a plus d'énergie sur la femme, il dépose des démons pour que ça puisse contaminer son mari. Coucher avec les jeunes filles pour que les jeunes filles, quand elles vont entrer dans la possession, ils puissent soutirer encore davantage des sources d'énergie pour que cette puissance-là vienne sur le prêtre. Et par conséquent, dans la grande Babylone. Donc c'est le temple de toute la possession de la terre. À juste titre, la Bible l'appelle ainsi. Tu vois cela? Donc les orgies sexuelles, les choses contre nature. Un être humain normal couche avec des enfants, des bébés. Ça a des sens. Et il dit qu'ils ont fait vœu de chasteté. La Bible, elle, elle dit que l'évêque doit être mari d'une femme. Eux, ils se marient qu'avec les enfants. Ils t'ont même imposé les mains aussi. Imposé, donc quand c'est la confirmation, On t'a confirmé, donc on va comparer les homosexuels et les pédophiles. Qu'est-ce que tu en dis? Non, la confirmation, c'est... Bon, on met lui sur le front. Oui, avec la main qu'il a touché l'enfant avec. Verset 5. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc la Bible appelle donc toute église qui se trouve en contradiction avec la parole comme les impudiques. D'accord? La Bible appelle toute église qui se trouve en contradiction avec la parole, qui ne suit pas la licenciement du Seigneur comme étant une église impudique. Et si on dit qu'elle est la mère donc des impudiques, donc la mère des églises dénominationnelles de toute la terre, c'est l'église catholique. Donc à juste titre, elle dit, nous sommes la mère, nos filles. Ils appellent nos filles les églises sœurs. Mais la Bible déclare donc qu'elle est la mère de ces abominations-là. Donc c'est elle qui a enseigné, enfin de toute façon, toutes les dénominations ont l'ADN catholique. Toutes les dénominations. Donc il a distribué 23 chromosomes dans l'année de l'année. 23 chromosomes partout, 23 chromosomes. C'est une contamination génétique de la sorcellerie qui continue dans toutes les assemblées là. Continuons. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Donc tu vois effectivement que c'est un paradoxe. Et on dit que cette femme-là a sous sa main a versé le sang des chrétiens. Si tu vas dans le dictionnaire, dans les encyclopédies, amuse-toi à regarder ce que les... Enfin, je vais parler des 23 chromosomes d'ADN aujourd'hui. Remarque bien ces mots-ci. Croisade. Amuse-toi à aller définir ce que c'est que la croisade. Tu vas dans l'encyclopédie, tu regardes la croisade. Tu regardes le premier croisade, qui ça a été initié par qui? Tu vas voir le pape. Ne te sois pas comme ça. Donc, les croisades ont été initiées par le pape. D'accord, les croisades. Maintenant... Les filles, les jeunes filles maintenant, de maintenant modernes, comme on ne tue plus les gens, ils disent maintenant que croisade évangélique. Ils utilisent maintenant les terminologies, les pandémies, ils utilisent les croisades évangéliques pour accepter qu'ils sont des filles des catholiques. Continuons. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Oui. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc, c'est à juste titre que l'apôtre Jean avait été étonné parce que quelqu'un qui confesse Jésus et qui parle de Jésus, comment il se fait qu'il tue les gens qui servent Jésus? C'est l'étonnement était grand parce qu'elle est censée être une femme qui suit cette Bible. Mais c'est, curieusement, c'est elle qui tue les gens. Continuons. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Qui a les sept têtes et les dix cornes. Oui. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Oui. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Réapparaîtra, tu vois ça? Réapparaîtra. Donc on dit clairement que si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu vas dire que waouh, le pape, on croit que le pape n'avait plus de puissance, donc voilà maintenant qu'il est influent. Il sera influent sur le plan international, grave. En fait, on voit ses prémices. Continuons. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Oui. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Donc, le Saint-Esprit a tellement mis les éléments pour qu'on ne rate pas la personne dont il est question. Alors ici, il dit, les sept, il dit que c'est, il y a de l'intelligence dans cette sagesse-ci, là, dans la sagesse, dans cette intelligence. Si vous êtes intelligent, observez bien la direction que le Saint-Esprit a donné. C'est ce qu'il a dit. Si vous êtes intelligent, observez la direction. Maintenant, il dit, les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Regarde-moi un peu. On a convenu que la femme était quoi? L'église. Maintenant, on dit que cette montagne, c'est le lieu où la femme a pour base. Je veux que tu me donnes le lieu au monde où il y a cette montagne. Cette montagne. Oui. Il n'y a qu'un seul endroit sur la terre. Dieu ne peut pas se tromper, celui qui est le créateur. Il n'y a qu'un seul endroit sur la terre où il y a cette montagne-là. Bon, pour commencer, n'aie pas chercher loin. Tu as la version top, n'est-ce pas? Oui. Voici le verset 9 où il se dit là. Quand tu vas rentrer à la version top, regarde la lettre qu'on a mise là-bas comme indication. Puis regarde en bas, tu regardes. Tu vas voir la définition qu'ils ont donnée. Eux-mêmes, ils écrivent à l'intérieur que c'est les sept montagnes de Rome. D'accord? D'accord. Mm-hmm. Donc ça représente les sept montagnes de Rome. Le Palatium, le Capitole, ainsi de suite. Le Capitole là, c'est le nom de la montagne qui est là-bas. Il y en a sept. Il n'y a pas deux endroits dans le monde. Donc le Saint-Esprit a fait juste dire que cette femme-là est près de la montagne. Donc, là, oui. On va faire comment? Donc ça veut dire qu'on a indiqué exactement là où elle se trouve. Donc c'est qu'elle dit que où est-ce qu'on a l'église catholique? Où est-ce que l'église catholique? C'est écrit là noir et blanc. C'est cette église qui se situe dans la ville où il y a cette montagne. N'est-ce pas? Continuons. C'est ici l'intelligence. On a la lutte, c'est 19. C'est 10. Oui. Ce sont aussi sept rois. Oui. Cinq sont tombés. Oui. Un existe. Oui. L'autre n'est pas encore venu. Oui. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Oui. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Un huitième roi. Et elle est du nombre des sept. Oui. Et elle va à la perdition. Donc un huitième roi qui est au nombre des sept, c'est quand même terrible. Quand... Bon, allons-y, avançons. Écoute bien. Les dix cornes que tu as vues, oui, sont dix rois qui n'ont pas encore reçu le royaume. Oui. Mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Oui. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Tu as vu ça? C'est écrit noir et blanc là. Donc les rois de la terre, les Européens vont se réunir là comme ça là. Ils vont trouver ce monsieur là, ils vont dire que toi, c'est toi qui peux porter notre étendard. Il va se lever en blanc là. Il se lève là et parle comme ça en représentation. Et regarde seulement le Parlement européen à Strasbourg. Regardez, vous avez la maquette de la Parlement européen. Oui. C'est la tour de Babel. La maquette, c'est la tour de Babel. Ils ont construit, c'est à l'intérieur, mm-hmm, qu'ils ont le tour de Babel. Ils viennent prendre les représentants dans la Bible, ils construisent. Donc, Dieu a détruit la tour de Babel. Ils ont construit cela en laissant le tour pour dire maintenant que, comme il y avait une seule langue, plusieurs peuples et qu'il y avait une confusion, maintenant ils vont avoir la confusion maintenant avec un seul peuple. C'est terrible. À Strasbourg, c'est bâti là-bas. Donc, une atteinte claire contre la solidarité. Si ce n'est pas que nous, on était encore sur cette terre, si Dieu aurait détruit cette terre, c'est par le feu. Chaque fois que la maison à l'étage continue comme ça là, c'est un challenge à Dieu. Saviez-vous ça? Les tours là. On les appelle quoi? Quel est le langage qu'on a trouvé mieux pour le donner? On les appelle quoi? Les tours. Non. Les gratte-ciel. Quoi? Gratte-ciel. Tu entends ça? Comment un challenge à Dieu? De gratter le ciel. Regardez même le mot qu'il dit. Continue ici de toute façon. Mon père arrive, il va être détruit par le feu. Et il a dit cela. Le prophète a dit qu'il va souffler leur tour. Il a dit ça, n'est-ce pas? Ils ont un même dessein. Oui. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Oui. Ils combattront contre l'agneau. Oui. Et l'agneau le vaincra. L'agneau le vaincra. On a dit il. C'est-à-dire il conclut la bête là et haut. Donc la Bible vient nous dire que l'autorité de l'Église catholique c'est une autorité contre Christ. Donc c'est à juste titre qu'on peut dire que le pape est anti-Christ. Fermez la Bible maintenant. remarque, hier, quand j'ai touché le Nouveau Testament, j'ai pas encore touché, j'ai pas touché l'Ancien Testament pour voir, pour le retracer. J'ai pas touché Ésaïe chapitre 49 où on parle de là-bas comme assieds-toi des filles de Babel. J'ai pas touché la Genèse pour parler de sa gestation. J'ai pas touché même du symbolisme, même du culte. Si tu lis la Bible, tu vas lire le Nouveau Testament, tu ne verras nulle part l'encens qu'on fait. Tu ne verras pas, c'est là. Même les touches, telles que se posent les tiers qu'on porte avec les franges sur les habits, les styles d'habits, les styles de couleurs en fonction de ce revenu, c'est la magie pure. Tu vois la Bible, tu as vu Jésus qui lui avait un habit spécial, Zapon avait un habit spécial, d'où est-ce que c'est un sorcier qui avait tous ces habits-là? Au port au deux, il faut qu'on porte tel style d'habits. Si elle fait la messe, il faut qu'elle ait tel style de livre, et puis elle a maintenant telle chose avec le symbolisme sur le corps, Babel. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On prend une pause, puis on revient. Que Dieu bénisse.